السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات وكل محدثة. أما بعد، من سكوند إن شاء الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je disais que مرحبا بكم جميعا وحياكم الله عز وجل dans cette soirée. نعم، dans cette soirée بإذن عز وجل. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 Jumada, Jumada Thaniya 1429 de l'Hégire, c'est-à-dire le 30 janvier 2008. Nous sommes dans le 32e cours de la personnalité musulmane. Vous remarquez que ces temps-ci, j'insiste un peu sur ce livre, parce que, à cause de deux choses. La première, car il est intéressant. La deuxième, car je veux le terminer, car il ne reste que quelques pages. Je veux, Inch'Allah Ta'ala, le terminer si possible avant, Inch'Allah Ta'ala, de quitter le Koweït. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, mercredi, ce sera, Inch'Allah Ta'ala, comme on faisait de temps en temps, ce sera un concours entre les frères et les sœurs. Ce sera, Inch'Allah Ta'ala, le neuvième concours entre les frères et les sœurs. Vous savez que ce sont les sœurs qui mènent par 5 à 3, si j'ai une bonne mémoire, Inch'Allah Ta'ala. Donc, nous sommes toujours dans le grand chapitre, c'est son comportement vis-à-vis de la société. Et, quinzièmement, on avait dit, pour réviser un peu, elle ne se réjouit jamais du malheur des autres. La musulmane, la vraie, la salafia, ne se réjouit jamais du malheur des autres. Le salafi aussi, bien sûr. Le vrai musulman, celui qui a la piété dans le cœur, la sincérité, quand il sait que son frère a eu un malheur, ça ne lui fait pas plaisir. Mais ça doit aussi le toucher lui aussi. C'est comme ça la sœur. Quand elle apprend que sa sœur a eu un malheur en son corps, ou bien dans son dîn, ou bien dans sa famille, elle ne se réjouit pas de ce malheur. Mais elle fait des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala éloigne ce malheur de cette sœur. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a d'ailleurs dit dans un hadith authentique, il a dit, tout croyant qui réconforte son frère et lui présente ses condoléances pour le malheur qu'il a frappé, résultat, Allah Ta'ala l'habillera de vêtements nobles au jour de la résurrection. Hadith, dont Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, hadith en sahih authentique, dans Silsila Sahiha, numéro 195. Qu'a dit le messager d'Allah? Donc, non seulement il a interdit qu'on se réjouisse des malheurs des autres, mais il nous a exhortés à conforter le malheureux et la malheureuse, et à montrer quelles sont, bi'idna azza wa jal, les récompenses de celui qui réconforte son frère et sa sœur. Et ça veut dire aussi toute croyante qui réconforte sa sœur, et lui présente ses condoléances pour le malheur qu'il a frappé. Résultat, Allahu l'habillera de vêtements nobles au jour de la résurrection. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu 'azza wa jalla min hulali karamah yawm al-qiyamah. Allahu akbar. Donc comparé comparer entre ceux. Non. Donc comparer entre ceux qui. Hassan Abou Asma, Hayakallah. Hayakallah dans le salon avec nous, Inch'Allah Ta'ala. Non. Et Inch'Allah Ta'ala, si tu es là, écrit numéro 1. Je disais que. Non. Est-ce que tu es là avec nous, Inch'Allah Ta'ala, l'Akh Hassan? Alhamdulillah. Tayyib. Inch'Allah Ta'ala, je te donne le micro, Inch'Allah Ta'ala. Hein, pour Inch'Allah Ta'ala passer le salam aux élèves qui sont toujours avec nous ici, Inch'Allah Ta'ala. Et les réconforter un peu avec quelques bonnes paroles. بإذن الله عز وجل تفضل شو تدون الميكرو تفضل بارك الله فيك يا شيخ أحسن الله إليك لكن الآن نحن نتابع الدرس معكم أحسن الله إليكم أنا انتهيت معهم قبل قليل إن شاء الله فنتابعين أحسن الله معكم الدرس أحسن الله إليكم الدرس مهم فجزاكم الله خيرا Je disais, non seulement il est interdit de se réjouir des malheurs des autres, et que ça rentre dans quoi? Ça rentre dans yani al-hasad. Naam, ça rentre, car ceux qui trouvent du plaisir quand leurs frères et leurs sœurs ont des malheurs, ceux-là naam, doivent réviser leur foi. Ceux-là doivent naam, savoir qu'ils sont malades du cœur et qu'ils doivent faire des doigts et s'évertuer à chercher les médicaments et les soins qui les feront guérir parce qu'ils sont vraiment malades du cœur. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous demande de quoi? De faire les condoléances à quelqu'un qui a été atteint de malheur. Il nous montre que quiconque fait cela, Allah ta'ala yawm al-qiyama lui fera quoi? L'habillera, mashallah, de vêtements nobles, naam, le jour de la résurrection. Ensuite, n'oubliez pas que les musulmans sont les uns pour les autres comme une bâtisse, naam, et que naam, c'est comme un corps, un seul corps. Si quelqu'un a mal au pied par exemple, naam, c'est tout le corps qui a mal. C'est comme ça les musulmans. Un seul musulman a mal, une seule musulmane a mal, et normalement tous les musulmans, bi'idna azza wa jal, ont mal, naam. Et vous ne savez pas combien ça fait plaisir à la personne qui a été atteinte de malheur de sentir que les gens, ses frères, ses sœurs, ont compati avec elle. Naam, celui-là vient la voir, celui-là lui téléphone, celui-là lui envoie un email, celui-là lui envoie son frère, naam, pour lui dire que naam, inna la tahzan, inna Allah ma'ana, la tahzan. إن الله معنا وبين ويدي قدر الله ما شاء فعل نعم اصبر واحتسب et comme ça la personne quand elle sent qu'elle n'est pas seule c'est déjà mashallah un grand pas vers l'éloignement de ce malheur et vers la dissipation de ce mal qui est tombé à cause de ce malheur et quand quelqu'un est dans les malheurs et qu'il se sent seul c'est vraiment difficile pour lui نعم c'est d'où l'importance de faire des condoléances à celui qui a été frappé de malheur. Que Allah Azza wa Jalla nous aide et fasse descendre la piété dans nos cœurs pour qu'il ne soit pas aussi dur qu'il le sent. Seizièmement, elle évite la conjecture. Vous écrivez, seizièmement, elle évite la conjecture. Ne connaissent pas le terme en arabe, c'est dhan, c'est-à-dire penser des choses sans être sûr. La conjecture ici, c'est les gens qui pensent des choses et qui, naam, dhan, naam, qui pensent des choses et qui rapportent des choses et qui ébruitent des choses et propagent des choses sans être sûr. Donc, la musulmane évite la conjecture. La musulmane sincère, la salafia, ne base pas son opinion sur les autres à partir d'une simple conjecture. Car celle-là, au détriment des autres, est un péché qu'elle doit éviter. conformément au verset du Coran où il est dit, où Allah Azza wa Jalla a dit, 49:12, il a dit, évitez l'excès de conjecture. Une part de la conjecture est péché. Évitez l'excès de conjecture. Une part de la conjecture est péché. Vous avez bien entendu ce qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit évitez. Évitez l'excès, évitez beaucoup de conjectures. Pourquoi? Il a dit une part de la conjecture est péché. À cause d'une part qui est péché, car des fois on peut penser d'une chose, d'une personne une chose, et c'est vrai, c'est ce que j'ai pensé. Mais puisque des fois il arrive qu'on se trompe, Allah Ta'ala nous a demandé de tout délaisser à cause de cette petite chose ou bien cette petite part. Et ça c'est connu comme règle générale dans l'islam. Donc la conjecture est un péché que souvent ils sont fondamentalement basés sur une imagination effrénée ou bien des présomptions douteuses. D'où le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Méfiez-vous de la conjecture, car la conjecture est le propos le plus mensonger. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit « Méfiez-vous de la conjecture, car la conjecture est le propos le plus mensonger. » Il n'y a pas plus mensonger que la conjecture. La conjecture est donc interdite pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle conduit au mensonge. Et deuxièmement, parce qu'elle pousse à accuser injustement les autres personnes. Deux pratiques catégoriquement condamnées par l'islam. Étant intrinsèquement sincère et véridique, la salafia, la horte, par définition, mettre terme aux opinions fondamentalement basées sur la conjecture, l'islam recommande aux croyants de se contenter de juger les gens selon leurs actes apparents et sans se fier aux soupçons. Ce n'est pas un comportement digne d'un musulman que de tenter de dévoiler les secrets des gens ou de porter atteinte à leur honneur en se basant uniquement sur la présomption. Seul Allah Azza wa Jal connaît le fond secret de toute âme. Et lui seul juge, il juge de droit. Quant à l'être humain, il ne lui est permis de juger que le comportement apparent de son semblable. Dans son Musannaf, Abdul Razzaq, rahimahullah, rapporte que Abdullah ibn Utba ibn Mis'aoud, c'est-à-dire en arabe Mis'aoud, en français Mus'aoud, a dit, j'ai entendu Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, dire, il a dit, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient jugés selon les sentences, selon les jugements de la révélation. Car il y avait Jibril alayhi salam qui venait avec les jugements. Et il y avait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui donnait des jugements révélés aussi par Allah, car il ne parle pas de ses passions. Celles-ci étant achevées, nous vous jugerons selon vos actes apparents. Ainsi, c'est toujours Omar al-Khattab qui dit, ainsi, quand quelqu'un nous manifeste sa bonté, nous lui ferons confiance et le rapprochons de nous sans nous interroger sur ses intentions réelles, car il ne revient qu'à Allah Azza wa Jal d'en juger. Et quand quelqu'un nous fait montre par contre de sa méchanceté, nous ne lui ferons aucune confiance et nous n'ajouterons nullement foi à ses propos, même s'il nous déclare ses bonnes intentions. Voir Hayat Sahaba al-Kandahlawi, volume 2, page 85. Donc la musulmane pieuse et consciencieuse doit être très vigilante à ses propos concernant les gens. Elle doit s'assurer de la véracité de ses jugements sur autrui et n'en faire état qu'en se basant sur des faits concrets et sûrs. Dans de telles situations, elle doit constamment se rappeler le verset coranique qui dit, Kadil Azzawajal, 17:36, il a dit, ne poursuis pas ceux dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Vous avez entendu? ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Ne poursuis pas la chose, naam, l'idée, l'information dont tu n'es pas sûr. Ne la poursuis pas. Pourquoi? Lui, la vue et le cœur, tout cela, sur tout cela, on sera interrogé demain quand on rencontrera Allah Azza wa Jalla. Naam, jazakallahu khairan. Allah Azza wa Jalla nous interrogera, naam, sur tout ce qu'on a entendu avec nos oreilles, tout ce qu'on a vu avec nos yeux, tout ce qu'on a dit aussi avec nos cœurs, car vous savez que les cœurs parlent. Naam, les cœurs parlent, c'est pour ça qu'on dit en arabe aqwal qulub, et même font des actions, a'mal qulub. Les cœurs parlent. Allah Ta'ala t'interrogera sur ce que disait ton cœur, naam, quand c'est bien sûr quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui n'est pas bien, naam, et que c'est la personne qui la veut. Car des fois, il y a des choses qui viennent sur le cœur sans qu'on les veuille. Ces choses-là sont excusées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand c'est la personne qui elle-même attire la chose et elle est haram et elle la veut, Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander des comptes sur cela. D'ailleurs, il a bien dit dans Sourate An-Nur, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah ta'ala dit, ceux qui veulent que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux. Donc, ceux-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avec le cœur seulement. Naam. Même si c'est avec le cœur, tu veux, tu te dis, ah, s'il y avait par exemple la zina partout, ah, s'il y avait l'alcool partout, dans le cœur, c'est tout. Ah, s'il n'y avait pas ce maudit djilbab, ah, ceci, tout cela, naam, tu seras interrogé demain par Allah subhanahu wa ta'ala. La pieuse, la sœur, la salafia, elle doit aussi se rappeler qu'un ange est chargé de recenser tous nos propos. Allah Ta'ala a dit, il, c'est-à-dire l'être humain, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Vous savez que on ne dit pas une chose, naam, sans que, si elle est bien, celui de la droite l'inscrit. Ou bien, si c'est quelque chose de pas bien, celui de la gauche l'inscrit. Et alhamdoulilah, vous connaissez le hadith que Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, bon ou authentique. Quel hadith? Que quand on dit quelque chose qui n'est pas bien, Allah Ta'ala, naam, a fait de sorte que l'ange de la gauche te donne une période, disons un ultimatum de 6 heures. Il te donne 6 heures pour t'attendre, est-ce que tu vas faire la tauba ou bien, naam, tu ne veux pas faire cette tauba. Et alors là, il va écrire la chose, naam, sur son livre, l'ange de la gauche. Quant à l'ange de la droite, alhamdoulillah, regardez la grâce d'Allah Azza wa Jal, dès que tu dis une chose qui est bien, elle est inscrite, à la seconde même. Elle sort de ta bouche, elle est dans le livre. Et si tu dis une chose qui n'est pas bien, Allah Ta'ala, regardez sa rahma, sa miséricorde, sa grâce, son fadl, il te donne 6 heures devant toi pour, naam, te yani, remémorer, réfléchir et revenir et faire demander le pardon à Allah Azza wa Jal. Il est donc de son intérêt, en tant que croyante, sœur doit être attentive à ses propos et d'éviter qu'il ne la conduise au péché consistant à accuser les gens sur simple conjecture. Et ça se trouve beaucoup chez les frères et les sœurs et beaucoup plus chez les femmes en général, sans parler des sœurs. Des femmes en général, car comme vous savez, elles aiment beaucoup parler, naam, alors sans le vouloir des fois, se basant sur de simples conjectures, elles tirent des jugements que telle femme est une zania et que telle personne est une perverse. Et comme ça, astaghfirullah, comme ça facilement, naam, très vite, elles portent quoi? Des jugements. Naam. Une musulmane consciencieuse pèse ses mots avant de les prononcer, car elle sait que chaque mot a sa valeur aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Et que chaque mot est susceptible de lui procurer soit la grande récompense d'Allah Azza wa Jal, soit le grand châtiment. On rapporte à ce sujet que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien le hadith qui va venir, si à chaque fois avant de parler, quelqu'un se souvenait ce hadith, naam, jamais il ne parlerait que dans le bien. Écoutez bien le hadith qui va venir. Naam. On rapporte à ce sujet que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il arrive qu'un homme, entre parenthèses une femme aussi, il arrive qu'un homme prononce une parole agréable à Allah sans se rendre compte de sa noblesse. Pourtant, grâce à elle, grâce à cette parole, Allah lui inscrit son agrément jusqu'au jour où il le rencontrera. Allahu Akbar. Il arrive que la personne dise comme ça un mot, une phrase, yani mashallah, que Allah ta'ala aime, des fois même sans se rendre compte. Et regardez, normalement, quand tu fais une chose pour que Allah ta'ala te récompense, il faut que tu aies l'intention de la faire pour Allah. Mais la grâce d'Allah et la miséricorde est tellement grande et immense que il suffit seulement que tu dises quelque chose de bien. Même si tu n'as pas voulu Allah ta'ala avec cette chose. Tu as dit quelque chose de bien, Allah ta'ala t'écrira son agrément jusqu'au jour où tu vas le rencontrer. Et il arrive aussi qu'un homme et une femme aussi prononcent une parole qui provoque le courroux d'Allah. Sans se rendre compte de sa gravité, pourtant, à cause d'elle, Allah Azza wa Jalla lui inscrit son courroux et sa colère jusqu'au jour de la résurrection. Hadith jugé authentique, rapporté par Malik ibn Anas, voir le Mu'tada de l'imam Malik, volume 2, page 985. Vous savez donc la gravité de quoi? De la parole. Une seule parole, et c'est peut-être les 8 portes du paradis qui vont s'ouvrir. Un seul mot, et c'est quoi? C'est les 7 portes de l'enfer qui vont s'ouvrir. Les propos que nous prononçons ont donc une importance majeure. D'ailleurs, maintenant, je me rappelle le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est dommage, il ne l'a pas noté ici, qui dit que « Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmit. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque croit en Allah au jour dernier, qu'il dise quelque chose de bien ou qu'il se taise. » Allahu Akbar. Ça veut dire que si quelqu'un, quand il parle, il ne dit pas quelque chose de bien, ça veut dire que c'est comme s'il ne croyait pas en Allah et au jour du jugement dernier. Parce que la vraie croyance, ce n'est pas d'attester avec le cœur, mais c'est aussi d'appliquer et d'avoir peur. Naam, quand je dis moi, on me dit que, attention, ne sors pas, il y a devant la porte un lion. Naam. Et ensuite on me dit, tu as peur ou là tu n'as pas peur? Je leur dis, subhanallah al-azim, je meurs de peur. Comment? Vous m'avez dit un lion et que ce n'est pas vrai. Je suis un menteur. Naam. Si vraiment j'avais peur, je vais voir comment souder ma porte de l'intérieur. Naam. Si j'ai les instruments pour la souder, naam. Et je téléphonerai vite aux pompiers, à l'ambulance, et aux policiers, et aux gendarmes, et aux soldats, et aux avions, à tout le monde. Naam. Pour leur dire, il y a un lion devant la porte. Ça prouve que j'ai peur, que j'ai vraiment peur. Naam. La même chose ici. Si vraiment on avait peur, naam, on ne dit sinon on se tairait. Naam. Et ça me rappelle aussi un hadith que vous connaissez sûrement, inshallah ta'ala, hadith authentique bien sûr, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit man samata naja, ou bien man sakata naja, je crois qu'il y a aussi cette version. Le messager d'Allah a dit, quiconque se tait, naam, naja, naja, yani, c'est sauvé. Car, tant que tu parles, et tant qu'on parle, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va dire, et peut-être qu'on a dit un mot qui a attiré le courroux d'Allah et on n'en a pas remarqué. Mais, tant que tu as la bouche fermée, tu te tais, tant que, alhamdoulilah, tu es sauvé. Tu tais, tu es sauvé. Et comme ça. C'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand vous connaissez sûrement très bien sa sunna, que il se taisait beaucoup plus qu'il ne parlait, sallallahu alayhi wa sallam. Il était très souvent méditatif, très très très souvent. Il est là, en train de penser, et peut-être à l'intérieur de soi-même, peut-être qu'il disait subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, et comme ça. C'est-à-dire que les moments où il se taisait étaient beaucoup plus nombreux que les moments où il parlait. Naam. Chez les gens maintenant, c'est le contraire. Naam. Les moments où ils se taisent sont très rares. Naam. Je disais, les propos que nous prononçons ont donc une importance majeure, puisque leurs conséquences détermineront notre sort dans la vie présente et dans l'au-delà. Par conséquent, la musulmane ne doit accorder aucune importance au commérage et aux rumeurs basées sur la conjecture et l'imagination de certaines femmes futiles et permissives. Elle ne doit ni les écouter, ni les propager. Quand elle entend des propos de ce genre, c'est-à-dire des propos qui ne sont pas basés sur des dalils, elle doit les examiner et s'abstenir de les rapporter aux autres personnes avant d'en établir l'authenticité. Car agir différemment est l'une des formes du mensonge. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est déjà assez mensonger de la part d'un homme que de relater tout ce qu'il entend. Hadith rapporté par Muslim, voir Sharh Muslim, volume 1, page 73. Vous avez écouté ce hadith, vous l'avez entendu. Tu le répètes pour ceux qui ne l'ont pas entendu. C'est déjà assez mensonger de la part d'un homme que de relater tout ce qu'il entend. Ça veut dire, le fait que seulement tu propages ce que tu entends, même si ces choses contiennent des vérités, tu es déjà inscrit chez Allah Ta'ala comme un menteur. Subhanallah al-Azim. À ce point, le musulman, la musulmane, le frère, la sœur, doit avoir ce qu'on appelle une passoire dans ses oreilles. Quand il entend une chose, si elle a des dalils et elle est conforme au Coran et à la Sunna, il la laisse passer par la passoire de son oreille pour qu'elle rentre dans son cœur. Sinon, il la rejette. Maintenant, si tu avales tout, donc après tu seras obligé de tout propager. Tu as des choses dans ton cœur qui te tiennent à cœur, tu dois les propager. Donc, tu vas propager des choses vraies et des choses qui sont fausses. Donc, conclusion, tu auras des péchés. D'ailleurs, Allah Ta'ala l'a bien dit dans un verset que je n'ai pas ici devant moi, très clair. Il a dit: وَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Il a dit: et annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Ya Allah, qui sont ces serviteurs? Qu'est-ce qu'ils font pour qu'on leur annonce la bonne nouvelle? Il a dit: ceux qui entendent la chose, ou là entendent les paroles, et suivent les meilleurs de ces paroles. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne suivent pas tout ce qu'ils ont entendu, mais ils acceptent des choses et rejettent d'autres. C'est comme ça, le pieux, c'est comme ça la pieuse. Moi, je ne suis pas ici, une marmite. Tu jettes ce que tu veux, toi, à l'intérieur. Mais je dois être une passoire, c'est-à-dire, il y a des choses que j'accepte qui passent pour qu'elles rentrent dans mon cœur et des choses que j'accepte pas. C'est comme ça que doit être le frère et la sœur. 17e, elle s'abstient de la médisance et de la calomnie. Elle s'abstient de la médisance et de la calomnie. Une seconde, inshallah ta'ala. Dix-septièmement, la musulmane s'abstient de la médisance et de la calomnie. La musulmane pieuse, la musulmane pieuse qui craint Allah azzawajal en privé comme en public est constamment attentive à ce qu'aucun de ses propos ne véhicule une médisance ou une diffamation susceptible de lui attirer le courroux d'Allah Azza wa Jal. En méditant le verset qui dit, verset 49-12, il a dit: ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous auriez cela en horreur. Craignez Allah Azza wa Jal, car Allah est accueillant au repentir et très miséricordieux. Donc, en méditant ce verset, la sœur doit se rendre compte de l'atrocité de la médisance et pour qu'elle se rende compte vraiment de l'atrocité, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se représenter, elle doit se représenter l'horrible scène d'une femme en train de manger la chair de sa sœur morte. Subhanallah al-Azim. Imaginez qu'on vous ramène un mort. Et ce mort, subhanallah al-Azim, c'est ta sœur ou bien c'est ton frère. Et on te demande de couper comme ça un morceau de sa chair et de le manger. Vraiment qu'on aurait ça en horreur. On aurait ça en horreur. Allah Ta'ala a voulu dire que le châtiment de la médisance est égal à celui-là si ce n'est pas plus. Est égal à celui-là, à cet exemple, si ce n'est pas plus. Allah Ta'ala veut dire, comme vous aurez sûrement en horreur le fait de manger la chair de votre frère et votre sœur mort et morte, vous devez aussi avoir en erreur de parler d'elle car elle est morte. Comment elle est morte? Elle est morte, elle n'est pas présente dans l'assise. Ta sœur n'est pas présente dans l'assise, ton frère n'est pas présent dans l'assise. Pour toi, il est mort, tu peux faire, dire de lui ce que tu veux. Il ne va pas t'entendre. Naam. Alors, on devait avoir ça en horreur, c'est-à-dire, et ne pas parler de lui. La médisance est une pratique qui ne sied pas à une vraie musulmane. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le confirme clairement en disant, le vrai musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri des méfaits de sa langue et de sa main. Je répète, le vrai musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri des méfaits de sa langue et de sa main. Hadith rapporté par Muslim. Et je, volume 2, page 12, et je pense, Inch'Allah Ta'ala, qu'il se trouve aussi dans le Bukhari, si je ne me trompe pas. Même, j'en suis même sûr. Naam. Donc, le vrai musulman, c'est qui? Le messager d'Allah a dit, c'est qui le vrai musulman? Celui qui fait beaucoup la prière? Non, ce n'est pas seulement cela. Mais celui dont les musulmans n'ont à redouter ni sa langue ni sa main. Non, le vrai musulman, c'est celui dont je n'ai pas peur de sa langue. Je suis sûr que, non, il ne va pas me faire du mal avec sa langue en m'insultant, en me calomniant, en médisant de moi si je suis absent, en me critiquant quand je suis absent. Naam. Ni avec sa main, ni avec sa main, il ne va pas me donner un coup de poing, il ne va pas me voler avec sa main, il ne va pas me frapper avec un couteau, il ne va pas me tirer dessus avec un revolver. Naam. Celui-là, il ne va pas il va pas déposer devant ma maison une bombe, comme fait Salah 19 et les Tikfiriyoun. Naam. Il ne dépose pas devant moi une bombe et il dit celui-là c'est un kafir. Naam. Et il laisse le vrai kafir. Même s'il faisait ça devant le vrai kafir, ce n'est pas permis. Tant qu'on n'est pas en guerre. Naam. Donc ceux qui font du mal aux autres avec la langue, leur langue, avec la main, ceux-là ne sont pas les vrais musulmans, comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez le hadith suivant qui va venir. C'est un hadith qui vraiment fait battre le cœur. C'est un hadith qui vraiment fait battre le cœur pour celui qui a peur d'Allah Azza wa Jal. On rapporte que Aïcha, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, notre mère, a dit une fois, elle a dit, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffit de citer parmi les défauts de Safiya, Safiya c'est qui? C'est une co-épouse par rapport à Aïcha, c'est une co-épouse. Naam, Safiya, qui était d'origine juive. Naam. Donc Aïcha est en train de parler d'elle au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, il suffit de citer parmi ses défauts qu'elle est un peu petite de taille. Qu'elle est un peu petite de taille. Dites-moi, barakallahu fikum, est-ce que nous, quand quelqu'un est absent, et on dit de lui il est petit de taille, est-ce que pour nous ça c'est un défaut? Est-ce qu'il y a quelqu'un, à commencer par moi avant vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, quand il dit d'une autre personne qui est absente, il dit, elle est petite de taille, il sent qu'il a fait un péché? Je ne crois pas, moi sincèrement, moi je ne pense pas cela, naam. Et écoutez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu Aïcha dire que sa fille a été petite de taille, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu à Aïcha, tu viens de prononcer des propos qui, si on les avait mélangés à l'eau de mer, ils l'auraient rendu trouble. Allahu Akbar. Tu viens de dire quelque chose, cette chose-là, tellement elle est mauvaise et grande chez Allah Ta'ala. Si on l'avait mélangé avec l'eau de mer, imaginez l'eau de mer, c'est combien qu'il y a de litres d'eau de mer? Des millions et millions, des milliards de mètres cubes. Le mot que tu as dit ici, que Safiya était petite de taille, alors qu'elle est absente, si ce mot pouvait avoir une odeur par exemple ou un goût, et on l'aurait jeté dans la mer, il aurait changé le goût de la mer et sa couleur. Allahu Akbar. Hadith rapporté par Abu Daoud, Cheikh Al-Albani a dit dans Sahih Abi Daoud, 4875, il a dit hadith authentique. Qu'a dit Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a dit Safiya est petite de taille. Allahu Akbar. Que disent nos femmes, que disent nos mères, que disent nos sœurs, que disent nos frères, naam, que disent nos pères, que disent nos amis, que dit-on nous quand on se rencontre? Est-ce qu'on dit seulement que X et Y est petit de taille? Imaginez quand on dit quelqu'un est petit de taille, il est absent. Qu'est-ce qui se passe? C'est dire que quoi? C'est dire que vraiment on est loin de l'islam. Il faut dire la vérité. On est loin de l'application, naam, de la sharia et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je ne parle pas des takfiriyin. Naam. Je ne parle pas des takfiriyin. Maintenant, quand je suis en train de vous parler comme ça, ma femme qui est présente avec nous, elle m'a envoyé un PV. Elle m'a dit, mon mari est petit de taille. Allahu Akbar. Pourquoi qu'elle dit cela de moi? Alhamdoulilah, elle a dit, elle n'a pas dit en cachette. Al-Muhim. Je disais que les takfiriyons, qu'est-ce qu'ils disent? Les takfiriyons du matin au soir, ils n'insultent pas, ils n'arrêtent pas d'insulter. Ils n'arrêtent pas d'insulter qui? Les musulmans. C'est pas ils disent ils sont petits, mais... vous m'entendez pas? Je n'ai plus le micro? Alhamdoulilah. Où est-ce qu'on s'était arrêté pour que je sache où est-ce qu'on s'est arrêté? Je ne sais pas exactement où je vous ai laissé. Vous m'avez entendu qui parlait des tekfiriyin? Naam. Je parle de tekfiriyin, vous m'avez entendu? Votre femme est le PV. Alhamdoulilah. Tant qu'il vient de se couper juste maintenant. Naam. La calomnie touchant des croyantes mariées et vertueuses est encore pire que la médisance. Maintenant, naam, si c'est la calomnie, on va calomnier des sœurs et des femmes qui sont mariées, naam, cela bien sûr est encore pire que la médisance. Cette pratique à laquelle certaines femmes s'adonnent avec insouciance est un péché majeur dont les conséquences sont périlleuses. On rapporte à ce sujet que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Évitez les sept périls, c'est-à-dire évitez les sept grands péchés. Vous connaissez quels sont les sept grands péchés? Écoutez-les de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je vais les citer. On lui demanda, quels sont ces sept grands péchés? Il répondit, premièrement, associer un être quelconque à Allah azza wa jalla, shirku billah. Deuxièmement, naam, la magie, c'est-à-dire la sorcellerie. Deuxièmement, la magie. Troisièmement, attenter à la vie humaine inattaquable. C'est-à-dire tuer quelqu'un, naam, sans que Allah Ta'ala l'ait permis. Vous allez me dire, est-ce que Allah Ta'ala a permis de tuer quelqu'un? Naam, celui qui a fait la zina par exemple. S'il était marié, Allah Ta'ala a permis qu'il soit lapidé jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas nous qui le lapidons, c'est le gouverneur. Naam. Quatrièmement, le grand péché, manger le bien de l'orphelin. Manger le bien de l'orphelin. Cinquièmement, se nourrir du fruit de l'usure, les intérêts pour ceux qui ont leur argent à la banque. L'argent à la banque et il est content. Et il dit, Masha'Allah, j'avais 1000 euros, maintenant c'est 1020, c'est 1100, c'est 1200, c'est 1300. Masha'Allah, ça monte. Alhamdoulillah, alhamdoulillah, je vais acheter la belle voiture. Ça monte. Naam. Sixièmement, fuir au jour du combat. Naam. Quand il y a le combat, il est interdit de fuir. Sauf si, naam, c'est juste une ruse. C'est juste une ruse, naam, pour, yani, se fortifier et revenir. Naam. Septièmement, et voilà le septièmement qui a rapport avec le cours, calomnier les croyantes préservées. calomnier les pères des croyantes préservées. Naam. Ici, naam, bien sûr, hadith rapporté par Bukhari, et aussi une seconde, trois, et aussi par Muslim, rapporté par Bukhari, et aussi rapporté par Muslim. Naam. Je voudrais ouvrir ici une petite parenthèse. C'est juste un petit rappel, vous l'avez entendu plusieurs fois, mais ma'alish, c'est juste un rappel tellement, yani, c'est dangereux. Tellement, c'est dangereux. J'ai dit une fois que certaines personnes, tellement elles aiment faire le mal, et tellement elles sont ignorantes. Certaines personnes, tellement elles aiment faire le mal, et tellement elles sont ignorantes, que ce soit des hommes ou des femmes. Naam. Le fait de voir seulement un homme avec une femme, ils disent quoi? Ils disent ils ont fait la zina. Et en parlant de la femme, ils disent celle-là c'est une zania. Ou bien en parlant de lui, ils disent c'est un zani. Pourquoi? Parce qu'ils les voient souvent ensemble, ils les voient sortir la nuit, venir la nuit, naam, dans la même voiture, dans un jardin, et comme ça ils disent c'est un zania, c'est une zania. Ceux-là, naam, ils doivent bien prendre garde demain devant Allah Azza wa Jalla. Car en islam, si quelqu'un dit de quelqu'un c'est un zani ou c'est une zania, naam, et il n'a pas avec lui trois témoins, vous savez que on doit le fouetter. Combien de coups de fouet? 80 jilda. On doit leur donner 80 coups de fouet, comme tout le monde connaît cela. Naam. Dans le verset de sourate An-Nur, fajiduhum thamanina jilda wa la taqbalu lahum shahadatan abadan, et Allah Ta'ala dit n'acceptez jamais un de leurs témoignages, et ce sont des pervers sauf s'ils font la tauba. Naam. Et comme je vous ai dit une fois, tellement c'est grave que les trois personnes qui vont venir pour être interrogées, maintenant ils sont quatre, la personne qui a dit X a fait la zina, maintenant, les policiers l'ont entendu dans un pays musulman. Ils le prennent et chez le juge. Et le juge lui dit, tu as dit que telle femme ou tel homme ont fait la zina. As-tu trois témoins? Il dit, naam, j'ai X et Y et Z. Il les cite. Ils vont les ramener. On va les mettre chacun dans une pièce. Et on va demander maintenant aux quatre personnes. Ils sont quatre. Chacune des quatre personnes doit donner les détails précis au point où elle doit dire, attention, elle doit dire, j'ai vu le membre de l'homme qui était rentré dans le membre de la femme. Vous voyez tellement c'est grave. Est-ce que quelqu'un peut voir comme ça? Il ne peut pas voir. Un homme peut être, excusez-moi le mot, peut être sur la femme, et il n'y a rien. Il n'a pas fait cette chose. Il est seulement sur elle. Mais il n'a... Si quelqu'un des quatre personnes ici va dire, non, je les ai vus seulement nus, mais j'ai pas vu autre chose. Tous les quatre vont prendre quoi? Vont prendre 80 coups de fouet. Tous les quatre. Alors imaginez combien c'est grave. Il faut qu'ils disent, j'ai vu la chose de l'homme à l'intérieur, qui rentrait dans la chose de la femme. Subhanallah l'adim. Regardez, tellement si difficile pour dire d'un homme qu'il a fait la zina ou bien pour dire d'une femme qu'elle a fait la zina. Sinon, les quatre, ils vont être fouettés. C'est pour ça que c'est très très grave pour les personnes qui le fait seulement de voir quelqu'un enlacer une femme, ils disent c'est une zania. Ah, celle-là, c'est une zania. Je l'ai vu dans le jardin qu'il y avait quelqu'un qui l'enlaçait ou quelqu'un qui l'a embrassé. Là, c'est une zania. Une zania, tu sais ce que tu as dit ou bien tu sais pas ce que tu as dit en islam? C'est vraiment vraiment très grave. C'est pour ça, pour vous rassurer, sachez que depuis l'aube de l'islam, depuis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam, naam, jusqu'au temps de Ibn Taymiyyah, il a dit depuis l'islam jusqu'au jour où je vis, on n'a jamais entendu que quelqu'un, naam, a pu ramener quatre personnes pour prouver qu'une femme, par exemple, a fait la zina. Naam. Et moi, je dis, même jusqu'à peut-être de nos jours. Naam, c'est très, très difficile, naam, de faire réunir quatre personnes qui vont attester de ce que j'ai dit. Passage à l'acte, excusez-moi. Naam, c'est très très difficile que quatre personnes, naam, assistent et disent comme ça sans se tromper. Naam, car le juge ne va pas s'arrêter ici. Il va dire, Tayeb, ils étaient sur quoi? Le lit, c'est le drap, il était de quelle couleur? C'était l'homme qui était dessus ou bien la femme? Ensuite, sa tête était de quel côté? Ensuite, de quel coin de la pièce? Ils étaient à droite, le coin droit ou bien le coin gauche? Et comme ça, pour voir si les informations concordent ou pas. Donc, que ceux qui disent comme ça facilement, telle personne a fait la zina, qu'ils craignent Allah Azza wa Jal et le châtiment qui les attend demain. Qu'ils craignent Allah Azza wa Jal et le châtiment qui les attend demain. Naam, car comme vous devez le savoir, il y a beaucoup de femmes qui, naam, même si tu la vois rentrer dans un appartement avec quelqu'un, naam, il y a beaucoup de femmes qui ne permettent pas à l'homme qu'il arrive jusqu'à la zina. Elles le laissent, ils l'embrassent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, des choses horribles, al-muhim, elles ne le laissent pas arriver à la zina. Et toi, tu as dit qu'elle a fait la zina. Fattakullah subhanahu wa ta'ala. Surtout si ce sont des musulmanes. Naam. Donc, ici, je disais. La musulmane pieuse doit se garder de colporter les propos des autres. Elle doit savoir que cette pratique propage la corruption au sein de la société et affaiblit les liens d'amitié entre ses membres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs serviteurs d'Allah azza wa jal sont ceux qui suscitent l'évocation d'Allah au seul fait de les voir. Les pires serviteurs d'Allah azza wa jal sont les colporteurs, ceux qui sèment la discorde entre les amis et visent à importuner les innocents. Hadith rapporté par Ahmed ibn Hanbal, Mousnad volume 6, page 461, est jugé authentique. Naam. Colporter la médisance paraît pour certains un acte anodin. De simples propos qu'on diffuse en les supposant dénués de toute intention malveillante. Mais on oublie qu'à cause d'une telle pratique, on risque de porter atteinte aux gens et même de briser la vie commune d'une famille. Naam. En persistant à commettre cette pratique détestable, l'homme devient un corrupteur dont le principal souci sera de causer la discorde et de... C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que cette catégorie de personnes ne connaîtra pas la paix dans l'autre monde et que, de même qu'elle aura troublé au lien entre les gens dans ce monde, elle sera tourmentée dès sa mort. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, aucun colporteur de médisance n'entrera au paradis. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Il a dit, aucun colporteur de médisance n'entrera au paradis. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agré, a dit, en passant près de deux tombeaux, le messager d'Allah a dit, ces deux-là subissent le châtiment. Ils sont en train d'être punis. Mais pas pour un fait grave. Qu'est-ce qu'ils faisaient? L'un d'eux colportait des médisances et l'autre ne se préservait pas en y ruinant. Deux personnes étaient en train de quoi? D'être châtiées dans la tombe. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a su. Qui l'a dit? C'est Allah ta'ala qui lui a dit par l'intermédiaire de Jibril. Il lui a dit ici, ces deux personnes qui sont dans la tombe, ils sont en train d'être naam, châtiés, d'être punis. Pourquoi? Voilà les causes. Un des deux, qu'est-ce qu'il disait? Un des deux colportait des médisances. Naam. Il colportait des médisances. Et l'autre, qu'est-ce qu'il faisait? L'autre, naam, il ne se préservait pas en urinant. C'est-à-dire, naam, que, comme vous remarquez, plusieurs personnes, naam, quand elles urinent, naam, elles se lèvent comme ça vite. Elles se lèvent comme ça vite, sans prendre soin de bien, naam, se préserver pour que l'urine, naam, ne soit pas dans les vêtements, ni naam, ne reste yani une partie d'elle dans les parties intimes. Mais elle doit à personne bien se nettoyer بإذن عز وجل. تفضل أبو حسن تفضل حياك الله. 18. Elle parle à la fin de l'écrit. Je vais arrêter ici, inshallah ta'ala. Je voudrais juste faire une petite remarque pour terminer. Faire une petite remarque pour terminer. Naam. طيب. Puisque c'est interdit, comme j'ai dit, naam, l'oura baik numéro 1, si vous m'entendez, puisque c'est interdit, naam, de parler d'une personne quand elle est absente. Et que ça rentre dans les grands péchés. Naam. C'est pour cela que si on entend quelqu'un parler d'une personne absente, naam, on doit, dans la mesure du possible, défendre la personne. On ne doit pas se taire, mais on doit défendre la personne, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui défend l'honneur de son frère en son absence, Allah le délivrera de l'enfer. Hadith rapporté par Ahmed ibn Hanbal, volume 6, page 461, est jugé apprécié. C'est-à-dire, quand ton frère et ta sœur sont absents, naam, et quelqu'un est en train de parler d'eux, tu dois faire l'une des deux choses. Naam. Ou bien, prendre sa défense, comme ça pour faire taire celui qui médit, ou alors, si tu sais que tu ne peux pas, et que c'est difficile, et que cette personne parle mieux que toi, et que elle attire les gens quand elle parle, etc., et toi, on va pas t'entendre, naam, dans ce cas, tu dis ton mot, et tu dis salam alaikum, et tu quittes l'assise. Tu quittes l'assise, naam. Mais si jamais aussi, on a peur de cette personne qui est en train de parler, c'est une personne qui peut nous faire du mal, nous frapper, nous emprisonner, etc., et qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas le défendre, alors pour ne pas participer avec eux, qu'est-ce qu'on fait? On quitte l'assise. On dit, salam alaikum, j'ai à faire, inshallah, et je dois partir. Et on quitte l'assise pour ne pas rester avec ceux qui médisent bi'illillahi azzawajal. Reste une chose avec laquelle je voudrais terminer, naam. Certaines personnes, surtout certaines femmes et certaines sœurs aussi, avec une bonne intention, avec, naam, car des fois on a, mais on est ignorant, naam, ne font pas la différence entre la médisance et entre, naam, la mise en garde. Naam, ne font pas la différence. C'est pour ça que des fois, ils entendent quelqu'un, par exemple, en train de dire, attention à cette personne, par exemple, elle dit ceci, cela, on lui a donné la nasiha, elle ne veut pas, naam. Et ici, certaines sœurs, par exemple, vont lui dire, pourquoi tu parles d'elle? Elle est absente, c'est de la médisance. Ici, on dit, c'est quoi? Pardon, ce n'est pas de la médisance. Ici, c'est de la mise en garde. C'est comme si des sœurs étaient dans une assise et ils ont parlé, par exemple, de Rachida. Je ne sais pas c'est qui Rachida, je donne un exemple comme ça. Dans tous mes exemples, c'est Rachida qui revient. Taïeb, ils ont parlé de Rachida, naam. Et elle sait que cette Rachida est une takfiriya à 100%. Elle est toujours dans le salon de les ennemis du Tawhid, de Salah 19, et elle porte ses idées, et colporte ses idées, et défend les Khawarij et takfiriyen. Celle-là, non seulement tu as le droit de parler d'elle quand elle est absente, mais encore tu auras des récompenses. Pourquoi? Car tu n'es pas en train de parler d'elle, car c'est elle que tu détestes. Non. Je parle de son minhaj, naam, car elle est en train d'induire les gens en erreur. Et, naam, si je la trouve, cette sœur-là, je lui donne la nasiha. Je ne l'ai pas encore rencontrée, je n'ai pas où la rencontrer, ni je connais son email. Naam. Mais, je vous mets en garde contre elle. Cette chose ne rentre pas dans la médisance. Cette chose, tu es en train de montrer aux gens le vrai chemin. Pour que quoi? Pour qu'ils ne soient pas induits en erreur. D'ailleurs, pourquoi je vais aller loin? Pourquoi je vais aller loin? Vous avez remarqué peut-être, il n'y a pas un das où je ne parle pas des habèches. Pourtant, les habèches sont absents, ils ne sont pas dans mon salon. Il y a 2-3 minutes, j'ai parlé de Salah 19. Salah 19 est absent. Moi, je vous dis de ne pas faire la médisance. Comment je parle de lui? Je parle de lui car c'est un égaré égareur. C'est quelqu'un qui égare les gens. Si je le laisse, je ne parle pas, beaucoup de personnes vont être, naam, attirées par ses paroles. Car, quand il parle, il joue avec les mots, il fait ceci, tout ça, pour attirer les cœurs. Donc si je ne parle pas, c'est quoi? C'est que je savais une chose, je ne l'ai pas montré aux gens. Je vous ai donné une fois l'exemple, un exemple très simple. Imagine que je vois quelqu'un qui marche, un aveugle, qui va tomber dans un puits. Est-ce que j'ai le droit de me taire et je me dis, je m'en fous, s'il tombe, c'est de sa faute, il est aveugle. Ou bien, je dois lui dire, attention, attention, s'il vous plaît, un peu à droite, un peu à gauche, ou là, je dois courir vers lui. Je dois courir, je dois faire mon possible pour qu'il ne tombe pas dans le puits. Sinon, je serai responsable de sa mort demain devant Allah Azza wa Jalla. Celui-là, c'est un aveugle, c'est tout. Même si c'est un kafir, je ne le laisse pas tomber dans le puits, tant qu'il ne me combat pas. Imaginez maintenant, j'ai mes frères et mes sœurs qui aiment Allah, qui voudraient aller au paradis et qui font tout leur possible pour adorer Allah. Et je sais qu'il y a un grand puits de takfir, un grand puits de khawarij, un grand puits d'égarement, de bid'a, de habashiya, et je les laisse tomber dans les puits et je me tais. Et je me tais, je me dis, je m'en fous. Yani chacun il fait son possible pour le paradis. Tout cela, Naam, prouve que je n'aime pas mes frères et mes sœurs en Allah Azza wa Jalla. Car si je les aimais, comme je n'aime pas qu'ils tombent dans un puits ici dans cette vie, j'aime pas qu'ils tombent dans le puits de l'enfer, qui est le plus grave. Je dis ce que je dis. Je vous donne rendez-vous, inshallah ta'ala, dans 10 minutes. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va inshallah ta'ala commencer la série de questions-réponses et inshallah ta'ala quand je me sens fatigué بإذن عز وجل je m'arrête inshallah ta'ala. Mouahidin, hayyak Allah. Naam, une seconde Mouahidin parce que on dit ici un instant, je ne sais pas pourquoi. Naam. طيب. Dawa, tfadl, c'est quoi? C'est quelle information? Quelle information, Dawa? Quelle information? Tendance de France, le métro sexuel. Cette fois, les tribunaux de pays de métro sexuel sont des hommes. Non, j'ai pas compris. Qu'est-ce que. Al-Mouhim. Jazakallahu khayran. Tafadl al-Mouhidin. Salam alaikum. Est-ce que vous avez du son? Alhamdulillah. Dawa Paul Talk. Je lis la question de Mouahidine ou bien de ce que tu viens d'écrire? Inch'Allah, je vais lire la question. Si je dois lire ce que tu viens d'écrire, je le ferai plus tard. Salam alaikum, cher. Est-il permis au fils de laver sa mère morte dans le cadre de Salat Janaza? Barakallahu fikoum. Entre parenthèses, sinon j'ai vu que Shir Shawushi a fait une classification par thème des numéros des hadiths de Sahih Jam'i, mais il n'y a que les numéros. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, il n'est pas permis au fils de laver sa mère, parce que quand on lave le mort, naam, au montant des rurabas, quand on lave le mort, on doit laver aussi sa aura. On doit laver aussi sa aura. Or, le fils ne peut pas toucher la aura de sa mère. Le fils ne peut pas toucher la aura de sa mère. Naam, c'est pour ça, il faut que ça soit une femme qui la lave. Il faut que ça soit une femme qui la lave. Et quand elle arrive à la aura, bien sûr, elle mettra des gants. Elle mettra des gants pour ne pas toucher sa aura avec la main. Ou bien il faudrait que ça soit le mari de cette femme qui la lave. Car ça aussi c'est dans la sunna. Ça aussi c'est dans la sunna. Le mari lave son épouse et son épouse lave son époux dans la mort. Naam. Quant au livre que tu viens de citer, naam, par thème des numéros de hadith, il n'y a que les numéros. Naam. Il n'y a que les numéros. Je ne connais pas, comme j'ai dit la fois passée, Sahih al-Jama' qui est classé comme ça, naam, avec un classement, yani, masha'Allah, où on peut revenir au chapitre. Wallahu azza wa jal alam. Naam, donne-nous le lien, inshallah ta'ala. Naam, donne-le-nous. تفضل suivant. Mouahidine, tu peux poster ta question, Inch'Allah. Tu viens de m'indiquer que tu es de retour. Donc, tu n'as pas la raid, tu peux poser ta question. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Quelle est la réponse au sujet de la vente sans déclaration, s'il vous plaît? Jazakumullah khairan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موحدي ناس في مونتون محمد 0504 جزاك الله خيرا pour le lien. نعم موحدي regarde j'ai dans mes habitudes quand c'est quelque chose d'important نعم que je marque comme ça subhanallah العظيم c'est peut-être personnel je sais pas s'il y a des gens qui font comme moi quand c'est une chose importante je marque avec le stylo comme ça sur toujours dans mon bras gauche, dans ma main gauche, hein, quand on a la pointe, pardon, quand on a la main fermée, du côté du pouce, naam, je marque avec le stylo une lettre. Par exemple, si je dois téléphoner, je marque T. Si c'est la voiture qui a un problème, je marque V. Et comme ça. Pour ne pas oublier, quand je vais faire les wudu, naam, pourquoi je marque ici? Car, pour faire la salat, je fais le wudu. Quand j'arrive à mes mains, je vois la lettre. Je me dis, alhamdoulilah, je vais pas oublier. Donc, moi, j'ai téléphoné au savant, naam, deux ou trois fois. Deux fois, je tombe sur une femme. Et elle me dit, vous et votre savant, vous me cassez les pieds. Naam, vous et votre savant, vous me cassez les pieds. Ça y est. Elle dit, ça fait un jour ou deux jours. Aujourd'hui, avant de venir au dars, je lui ai téléphoné aussi, naam. Et il était injoignable. Je lui ai téléphoné et il était injoignable. Naam. Subhanallah wa bihamdihi. Donc, Mouahidine, je te dis, Inch'Allah ta'ala, 99% que cette vente n'est pas permise. Naam. Car quand on est chez des kuffars, on doit ne pas violer leurs lois. Sauf, bien sûr, si c'est des lois qui vont à l'encontre du Coran et de la Sunna. Mais je voudrais te dire une chose, Mouahidine. Je voudrais te faire une petite remarque. Que j'ai oublié de faire la fois passée, il faut faire la différence entre la personne qui est une commerçante et la personne qui vend des choses propres à elle. Naam. Il y a des gens qui sont des commerçants, c'est-à-dire ils achètent et ils vendent, ils construisent et ils vendent, ils coudent, le verbe coudre, ils coudent comme ça des choses, des habits, ça ils les vendent. Ceux-là, ce sont des commerçants, à 99%, inchallah ta'ala, ce n'est pas permis. Et il y a d'autres personnes qui vendent des choses interdites de le vendre. Je suis pas un commerçant. J'ai je ne sais pas quoi, un livre. Je veux le vendre. Naam, ce n'est pas interdit. Naam. Et comme ça, si quelqu'un a quelque chose de personnel à vendre, il peut vendre cette chose. Ce n'est pas interdit. Car quoi? Car ce n'est pas un commerçant. Donc il faut faire la différence entre celui qui vend la chose pour se débarrasser d'elle, naam, et celui qui vend la chose pour, avec cet argent, il va acheter d'autres choses et les revendre. Celui-là, c'est un commerçant. Wallahu ta'ala a'lam. Acheter et revendre aux autres femmes. Naam. Cela, ça rentre dans le commerce. Acheter et revendre aux autres femmes. Mais Inch'Allah ta'ala, passons un peu jusqu'à ce que je te donne, Inch'Allah ta'ala, le plus sûr. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadlal le suivant, Inch'Allah. Inch'Allah, avant la question, je vais lire l'information que Dawa Paul Talk a passée. Donc il a dit: Shir, il y a une tendance en France, le métro sexuel. Cette vague est très répandue dans les pays occidentaux. Les métros sexuels sont des hommes, entre parenthèses, hétéros de tout âge qui vont chez l'esthéticienne pour des manicures, pédicures, se font épiler tout le corps, s'appliquent des crèmes de nuit et anti-rides, etc. Ils portent des vêtements serrés, entre parenthèses, du corps, passent leur temps à se faire beau, à se contempler et à se muscler pour plaire aux femmes. Et ce fléau se propageait même au Maroc et devient le nouveau phénomène du siècle. La situation en France est dégradante et touche les musulmans ordinaires et ceux qui vivent l'islam comme cela leur convient. Qu'Allah nous préserve. Amin. Cher, moi j'ai lu parce qu'on me l'a demandé. Donc on va passer à la question suivante, Inch'Allah. Ibrahim 8. C'est à votre tour, Inch'Allah, de poser votre question. On vous a retiré le raid. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ya shir. L'épouse du shir, Abu Yusuf, entre parenthèses, élève de shir Al-Albani, rahimahullah, a dispensé des cours aux sœurs. Celles-ci ont eu un comportement déplorable, honteux, irrespectueux, etc. à son égard. Pouvez-vous nous faire un rappel sur l'attitude à avoir face aux gens qui transmettent la science? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Amin. En ce qui concerne les hommes qui se font ressembler aux femmes, etc., j'ai dit que je ne voyais pas le rapport avec ce qu'on est en train de dire. Maintenant, le frère dit que, car dans la room, il y a des gens qui suivent cette tendance, cher. C'est pour leur faire nasiha. Franchement, je n'accuse personne de mensonge, astaghfirullah. Mais yani, ça m'étonnerait fort que quelqu'un de salafi suive cette tendance. Mais ça ne fait rien. Yani, le rappel est toujours bon. Le rappel est toujours bon. S'il y a quelqu'un qui, sans le vouloir, suit cette tendance, alors je voudrais lui dire que qu'il sache qu'il est dans la malédiction d'Allah Azzawajal jusqu'à ce qu'il fasse le repentir. Naam. Imaginez. Le aîné, tout le monde connaît le aîné. Si un homme mettait seulement un peu d'aîné, il se serait fait ressembler aux femmes. Car le aîné ne se met que par les femmes. Sauf si un homme, par exemple, est malade, il a des grattements, etc., il le met à cause de soins. Mais ce n'est pas comme de nos jours, par exemple, les hommes, quand ils vont se marier, ils vont s'asseoir et on va leur faire le aîné, mashallah. Comment on fait à la fille, la prétendante qui est chez ses parents, elle a une soirée où elle va faire le aîné. Maintenant, c'est le jour de l'homme qui va faire le aîné, mashallah, et on va lui bander sa main, mashallah, comme la femme exactement. Taïb, je disais, si maintenant le aîné seulement n'est pas permis pour l'homme parce qu'il se fait ressembler à la femme, qu'en est-il pour celui qui, yani, s'habille comme elle, se coiffe comme elle, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit en haut, s'épile comme elle et comme ça. Tout cela rentre dans la malédiction, naam, d'Allah Azzawajal. Et la même chose pour les femmes qui se font ressembler aux hommes. La femme, naam, qui met le pantalon comme met l'homme, la femme qui se coiffe, coupe à la garçonne comme l'homme, et la femme qui marche, la démarche comme l'homme, et comme ça, toutes celles-là aussi sont quoi? Sont maudites jusqu'à ce qu'elle fasse le repentir. Naam. Maintenant, inshallah ta'ala, en ce qui concerne l'épouse du cheikh Abu Yousf, élève de cheikh Al-Albani, hafidhahullah, et que celle-ci, elle a donné des cours aux sœurs, et que les sœurs ont eu un comportement déplorable et honteux, irrespectueux envers elle. Naam. Moi, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais me basant sur ce qu'on vient me dire, si ce qu'on vient me dire est vrai, si ce qu'on vient de me dire est vrai, et je n'accuse pas celui qui vient de dire cela de menteur, mais vous savez qu'en islam, je viens de faire le dars, il faut bien être sûr des choses. Donc c'est pour ça que je dis si. Naam. Donc si cette chose s'est vraiment passée, ce serait vraiment regrettable. Naam. Car quelqu'un, alhamdoulillah, alhamdoulillah, Ibrahim. Peux-tu nous dire par exemple qu'est-ce qu'il y a eu d'irrespectueux? Peux-tu nous donner un petit exemple? Peux-tu nous donner un petit exemple par exemple? Qu'est-ce qu'elles ont dit à la sœur ou qu'est-ce qu'elles ont fait? Naam. Car peut-être, je dis peut-être que il se peut qu'une sœur par exemple ait demandé à la sœur quel est le délil d'une chose et que peut-être pour certains c'est de l'irrespect, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? Peux-tu nous donner un exemple? J'attends, inchallah ta'ala, que tu écrives. Donc, Ibrahim 8 dit, la sœur a dû attendre le silence pour commencer son dars. On a dû taper des mains plusieurs fois pour obtenir le silence. Les sœurs se précipitaient pour s'asseoir avant que la sœur ne s'assied. Cher, dit que s'il y a d'autres choses plus graves, tu peux les citer, Inch'Allah. Des personnes apportaient d'autres dalils pour contrer celle de la sœur. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم طيب en ce qui concerne la sœur نعم je veux dire que premièrement quand pour, ça pour ma part j'ai été choqué نعم tu as été choqué صح جزاك الله خيرا نعم mais cela ne veut pas dire que c'est grave cela ne veut pas dire que c'est premièrement en ce qui concerne le fait de les faire taire نعم on a en claquant des mains et en les attendant, etc. C'est normal. Quand on est dans une salle et qu'on attend que quelqu'un arrive, tout le monde parle avec ceux qui sont à sa droite, à sa gauche, ceux qui sont en face de lui, les anciens amis, les anciennes recouvertes, etc. J'ai dit recouvertes, retrouvailles. Non, elle était là. Elle était présente et elle devait faire le cours, ça. Et elle devait faire le cours normalement. Non, tout le monde se tait, le cours est prêt. Naam, le cours va commencer, tout le monde se tait. Naam, ils ont été impolis, ils ont été impolis. Et cette chose, Inch'Allah Ta'ala, ça arrive à beaucoup de gens. Et Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas grave. Mais il faut être poli, Inch'Allah Ta'ala. Et quand quelqu'un s'apprête à donner le dars, on doit, Inch'Allah Ta'ala, s'asseoir et être poli et écouter, Inch'Allah Ta'ala. Aussi, quant à ce que tu as dit un peu plus haut, attends, qu'est-ce que tu as dit? Non, quand tu as dit que les sœurs se sont précipitées pour s'asseoir avant, non, je trouve que si dans leurs intentions c'était pour être très près d'elles, alors pour mieux profiter du dos et d'écouter, non, ça se fait, ce n'est pas grave. Non, chacun, si c'est possible, non. Il met ses mains sur ses genoux à elle. Il met ses mains sur ses genoux à elle pour l'écouter. Tellement il veut être près d'elle et proche d'elle. Puisque ce sont entre femmes. Naam. Donc, dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas grave aussi, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Ils ont le droit de la contrer. Ils ont le droit de la contrer. Mais, seulement, on la contre. Non pas pour montrer ses fautes, mais parce que on veut que la vérité éclate, c'est tout. Et quand on contre quelqu'un, naam, on le contre dans un contexte de fraternité. Je l'aime, c'est mon frère, c'est ma sœur, et doucement, avec bienveillance, avec douceur, naam, le hadith que tu as dit, ce Cheikh Al-Albani a dit qu'il était faible. Naam. Ou bien, je peux lui faire ça gentiment. Au lieu de lui dire, par exemple, regardez, par exemple, je vais donner deux cas. Regardez, deux cas. Un, le premier cas qui ne se fait pas, et le deuxième qui se fait pour quelqu'un qui a la science et qui a la douceur dans sa da'wah. Supposons que la sœur, par exemple, ait dit un hadith faible. Naam. Maintenant, il y a une sœur qui lui dit, elle lève la main et lui dit, s'il vous plaît. La sœur s'arrête, elle lui dit, votre hadith est faible. Veuillez, bien vous renseigner avant de faire des douros. Veuillez bien, naam, yani vérifier la prochaine fois. Et comme ça. Naam. Et le deuxième cas, naam, je laisse que la personne termine et je lui dise, s'il vous plaît, elle me dit tafadhal, je lui dis, vous avez cité un hadith qui a dit ceci, cela, et ce hadith, moi j'ai vu dans Sahih, dans Da'if Tirmidhi, que Cheikh Al-Albani a dit par exemple qu'il était faible. Qu'en est-il, yani, est-ce qu'il est faible ou bien yani, vous avez d'autres choses sur ce hadith, d'autres choses que je ne connais pas. C'est-à-dire que moi j'ai lu qu'il est faible, mais il est possible que vous ayez lu quelque part que par exemple Cheikh Al-Albani s'est désisté et il a dit que c'est un hadith sahih. Donc c'est moi, comme ça, elles sont que je ne suis pas là pour la contrer, mais je suis là juste pour connaître la vérité. Et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, tout cela, inshallah ta'ala, n'est pas grave. Et vous êtes, inshallah ta'ala, toutes des sœurs qui vous aimez entre vous, alhamdoulilah. Et inshallah ta'ala, aucune n'avait dans le cœur de porter atteinte à la femme de Yousr, et qu'Inch'Allah Ta'ala, toutes les sœurs l'aiment et toutes les sœurs Naam voudraient écouter ces doros. Et Jazakillahu Khayran, et je demande aux frères et aux sœurs Naam, quand il y a quelqu'un qui leur apprend le ilm, d'essayer de quoi? D'essayer d'être, comment dire, d'être très poli et respectueux avec vous, avec eux, pardon. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est pas de nous, écoutez bien, n'est pas de nous, et il a cité trois personnes, entre autres, il a dit, celui qui ne reconnaît pas à l'aube de science sa valeur. Il a dit, n'est pas de nous, celui qui ne reconnaît pas à l'aube de science sa valeur. Naam. Wallahu ta'ala alam. Jazakillahu khairan, Ibrahim. Et Inch'Allah, tafadhal le suivant. Minhaj Salaf, c'est à ton tour, Inch'Allah. Salam alaikum, Shihana. Qu'Allah vous récompense de nous transmettre la science. Qu'il vous accorde une demeure au paradis, à vous ainsi qu'à votre épouse, et qu'il fasse que nous soyons toute notre vie sur le chemin de la salafia. Amin. La question est la suivante. Lorsqu'une femme est demandée par un homme désirant faire la polygamie et que cette femme accepte, mais qu'elle n'informe pas ses parents que ce frère est déjà marié, car cela engendrerait le refus du wali. Cela rentre-t-il dans le mensonge, la trahison ainsi que la désobéissance aux parents? Ou est-ce que cela n'entre pas dans le péché? Jazakumullah khairan, entre parenthèses, un grand salam à votre épouse. Aliki wa alayhi salam. Naam, aliki wa alayhi salam. Ensuite, en ce qui concerne, ça c'est en ce qui concerne mon épouse. En ce qui concerne toi, wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tayyib. En principe, naam, pour qu'il rentre dans cette chose avec clairvoyance. Car il est possible que le wali ne soit pas au courant de cette chose. Et ensuite, quand il sera au courant, naam, ou bien il blâmera sa fille, naam, sa prétendante, celle qu'il a donnée, celle qu'il a mariée, ou bien quoi? Ou bien il blâmera l'homme. Ou alors, il peut tout carrément annuler le mariage. Il dit, moi, je ne te laisse pas avec quelqu'un de marié. Naam. Et ça rentre un peu dans quoi? Ça rentre un peu dans la traîtrise. C'est-à-dire que on a été traître avec notre wali. On lui a caché, naam, on lui a caché, surtout si c'est un père par exemple, on lui a caché la vérité. On lui a caché la vérité, cette vérité que s'il l'avait su, tout aurait changé. S'il l'avait su, tout aurait changé. Naam, dans l'obéissance des parents. Wallahu azza wa jalla. Tfadhal inshallah le suivant. Minhaj al-Haq, c'est à votre tour inshallah. Salam alaykoum wa rahmatullah ya shir. Ahyakum Allah, qu'Allah vous facilite votre retour en Algérie auprès de votre famille. Amin. Shir, une sœur demande. Je suis une sœur convertie et mon mari aussi, alhamdoulillah. Nous avons 4 enfants et prochainement, mon mari souhaiterait me laisser avec les enfants dans un pays musulman. Et lui retournerait travailler en France et ensuite nous rejoindre plus tard, Inch'Allah. Que pensez-vous de cette situation, Shir, en sachant que mon mari viendra nous voir très rarement car il n'aura pas beaucoup de vacances? السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله جميعا وبياكم. طيب, je n'ai pas entendu la question. S'il y avait eu une question, je ne l'ai pas entendu. Minajul Haq, tu as dit, puis-je enregistrer la réponse? Je dis, je n'ai pas entendu la question, ni je l'ai lu. Tfaddal si quelqu'un a la question. Et Inch'Allah Ta'ala, tu peux l'enregistrer si j'ai la réponse. Inch'Allah, j'avais un problème avec mon micro. Vous m'entendez? Assalamu alaikum wa rahmatullah ya shir. Ahyakum Allah, qu'Allah vous facilite votre retour en Algérie auprès de votre famille. Amin. Shir, une sœur demande, je suis une sœur convertie et mon mari aussi, alhamdulillah. Nous avons 4 enfants et prochainement, mon mari souhaiterait me laisser avec les enfants dans un pays musulman. Et lui retournerait travailler en France et ensuite nous rejoindre plus tard, Inch'Allah. Que pensez-vous de cette situation, Shir, en sachant que mon mari viendra nous voir très rarement car il n'aura pas beaucoup de vacances? Afwan, Shir, pour la coupure. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ الحمد لله. On vous voit pas dans le salon, mais on vous entend. Allahu Akbar. Je suis comme le djinn. Le djinn, pourquoi il s'appelle djinn? Parce qu'il se cache. On ne le voit pas. Non, mais seulement, yani, il fait des choses. Al-Muhim. Moi, je me vois. Moi, je me vois. Si je vous vois, moi, cher. Donc, Minajul Haq me voit. Et moi, je me vois. Donc, toi, Tamallah, tu dois aller chez Kiyada. Comment il s'appelle le médecin t'as les yeux? L'ophtalmologue. Non, l'ophtalmologue, c'est pas lui, non. Je crois que c'est lui, non. Tu dois, Inch'Allah Ta'ala, aller te faire, toi, Inch'Allah Ta'ala, aller faire, bidna azzawajal, des lunettes. Oui. L'ophtalmo, non, l'ophtalmo. Non. Taïb. Ou bien tu sors, Inch'Allah, de la salle et tu reviens. Tu sors du salon et tu reviens. Je disais pour la sœur qui, son mari, veut l'emmener dans un pays musulman et la laisser là-bas et revenir. D'un côté, c'est bien. D'un côté, c'est bien. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, elle sera dans un pays musulman et les enfants seront sauvés là-bas, inshallah ta'ala. À cause de quoi? À cause de l'école, masha'Allah. Yani musulmane et non pas l'école du coffre. Mais, ni pour la femme ni pour l'homme. Et beaucoup plus pour la femme que pour l'homme. Je ne parle pas des choses dont l'homme a besoin de sa femme ni de la femme a besoin de son homme. À part cette chose, la femme, ce sera difficile pour lui de se sentir seul là-bas, esselé sans son mari et avec la responsabilité. Maintenant, je dis, cela dépend d'elle. Si c'est une femme assez forte de cœur et une femme qui a l'habitude des responsabilités, elle a peur par rapport à la fitna qu'il y a dans un pays comme la... Est-ce qu'elle a peur par rapport à la fitna qu'il y a dans un pays comme la France? Non, si elle a peur de la fitna en France et que elle a peur de sombrer et que elle a à cœur de quitter ce pays pour aller dans un pays musulman, non? Et que là-bas, elle peut patienter pour son mari. Et elle peut, voilà, peut patienter pour son mari. Et elle peut subvenir aux besoins de ses enfants, qu'elle le fasse. Sinon, j'ai dit que c'est un peu difficile de se séparer de sa femme et de vivre chacun de ses côtés. C'est difficile. Demander à ceux qui vivent comme ça, qui vous le diront, Inch'Allah Ta'ala. Elle a peur pour la fitna de son mari pour en France. Naam, c'est difficile aussi pour lui. Non, c'est difficile aussi pour lui de rester seul en France, loin de sa femme. Non, et quand il aura besoin d'elle, elle n'est pas à côté de lui. C'est pour ça que s'il est faible de foi, il risque vite de tomber dans la faute. Non, il risque vite de tomber dans la faute. Donc, Inch'Allah Ta'ala, si elle veut la sœur, non, elle attend encore un peu avec lui et tout en l'exhortant à ce qu'il quitte les deux définitivement la France. Car si elle va seule, c'est difficile pour elle et pour lui. Pour elle, c'est difficile, la responsabilité, etc. Et pour lui, c'est difficile. Dans la sunna, en principe, on ne doit pas, la femme ne doit pas rester sans un homme plus de 4 mois. Non, quand je dis ne doit pas rester sans un homme, c'est-à-dire en ce qui concerne les relations charnelles. Maintenant, si elle se désiste de ses droits et elle dit j'accepte que ça soit plus, j'accepte 6 mois, 8 mois, 1 an, elle est libre. C'est un accord entre elle et lui. Mais dans la charia, il n'a pas le droit de ne pas la toucher plus de 4 mois. Car si quelqu'un en islam jure par Allah que je ne vais pas toucher ma femme, qu'est-ce qu'elle va faire cette femme? Comment ça se passe en islam? Si un homme jure, il dit, je vais plus toucher ma femme. Comment ça va? Comment qu'on va faire? La femme, n'a pas le droit de déposer une plainte contre lui jusqu'à combien? Jusqu'à 4 mois. Les 4 mois arrivés, elle va chez le juge musulman. Elle lui dit, mon mari, cela fait 4 mois qu'il ne m'a pas touché. Le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer son mari. Il va lui dire, tu choisis entre des deux. Tu la touches, ou bien je te l'enlève et je la marie avec un autre, sans ton consentement. Sans ton consentement. Je vais te l'enlever, la divorcer de toi et la marier avec un autre. C'est interdit en islam de rester plus de 4 mois sans toucher sa femme. Sauf bien sûr s'il y a un accord mutuel. C'est elle qui veut pas, ou là, elle est malade, ou là, elle n'aime pas cette chose, ou là, elle mouhim. Mais la sœur est convertie, elle vivrait sans aucun mahram là-bas. Naam, ce n'est pas interdit de dans un sans mahram. Vous le voyez, le mahram c'est pourquoi son mahram. Maintenant que son mahram accompagne, naam, pas de mahram. Et j'ai dit, c'était seulement pour le voyage. Vous m'entendez maintenant? Le mahram c'est pour le voyage. Et celle-ci n'a pas voyagé sans mahram. Car son mari est là, ce n'est pas obligé qu'elle ait un mahram. Car elle n'est pas en voyage, elle est stable dans un pays. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne lui conseille pas d'être seule. Je lui demande de patienter ensuite un peu avec son mari et de le quoi? Et de le pousser à faire la hijra le plus tôt possible, inshallah ta'ala. Tafadhal inshallah le prochain. Salam alaikum, cher. Voilà ma question. La femme juive ou chrétienne que le musulman désire épouser a-t-elle besoin d'un wali musulman, comme c'est le cas de la femme musulmane? Et je voudrais savoir si vous vous êtes renseigné auprès de Shir Ramadani concernant sa parole sur l'istihada lorsqu'on a des waswas pendant la prière en commun. Entre parenthèses, qu'il n'est pas nécessaire de faire l'istihada. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fais saut. Naam, la juive ou la chrétienne, quand le musulman veut l'épouser, naam, elle doit avoir un wali. Quelqu'un, naam, de musulman, c'est lui qui va la marier, et non pas son père ou la son frère ou la son fils qui sont des chrétiens. Mais c'est un musulman qui peut la marier. Bien sûr, si elle n'a personne dans la famille, c'est comme a dit le messager d'Allah, Sultan waliyu man la waliya laha ou man la waliya lahu. Il a dit le gouvernant lui-même ou bien le gouverneur, c'est lui qui devient son tuteur. Le gouverneur bien sûr s'il est musulman. Et dans un pays musulman, le gouverneur c'est qui? C'est le juge par exemple ou bien le maire. Naam, car il travaille sous l'égide du gouverneur. Naam. Quant à ce qui concerne de quoi dois-je me renseigner? Je vous ai dit une fois que je l'ai entendu dire que quand quelqu'un, naam, fait la prière et que le shaitan, il sent que le shaitan lui fait les ouswas, je l'ai entendu dire, voilà, sur le mimbar. Moi, je l'ai entendu dire, j'étais présent ce jour-là dans son cours. C'était un vendredi. Il a dit que, les frères exagèrent en crachant comme ça sur l'épaule. Il a dit, quand quelqu'un fait la salade seul, il crache sur son épaule s'il a les ouswas. Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand la personne est venue, naam, est venue se plaindre des ouswas et lui a dit crache, il a dit c'était une personne qui faisait la prière seule et pas en groupe. Et inshallah ta'ala, il a raison. Car quand on fait la prière en groupe, c'est l'imam lui-même c'est lui qui nous préserve. C'est lui qui est responsable de notre prière est valable. C'est lui qui est responsable. Voilà, c'est lui qui nous représente. Mais quand on est seul, si on a des ouswas, on crache à gauche en disant a'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Naam, hayyakumullah, tafadhal. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez dit une fois qu'enseigner le Coran est la meilleure des choses pour laquelle on peut avoir un salaire. En est-il de même concernant l'enseignement ou la traduction des ouvrages et des cours des savants? Par exemple, un frère ouvrant une maison d'édition islamique. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, il aura inshallah ta'ala beaucoup de récompenses, mais qu'il mette dans son intention d'abord, avant l'argent et la richesse, qu'il mette quoi? Qu'il veut propager le din, il veut propager la sunna du messager d'Allah, il veut propager la vraie science, il veut mettre en garde contre les takfiriyens, il veut mettre en garde contre les habesh, et comme ça, contre les khawarij, comme ça qu'il se met dans la tête et dans l'intention. Ensuite, s'il gagne beaucoup d'argent, ça c'est la grâce d'Allah Azzawajal. Il lui a donné ici une grâce, et là-bas, il y aura, inshallah ta'ala, de grandes récoltes. J'ai ma question avant, j'étais juste derrière Saoudia. Salam alaikum. Cette année, je compte faire mon hajj, inshallah ta'ala, mais à cette période, ma femme sera à son terme de sa grossesse. Le hajj reste-t-il prioritaire? C'est la question d'un frère, inshallah. C'est pas la mienne. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est la personne elle-même qui sait que est-ce que sa femme a besoin d'elle ou pas. Moi, je connais bien ma femme et je sais par exemple, elle a l'habitude par exemple d'accoucher et je sais est-ce que ses accouchements par exemple sont faciles ou difficiles. Si c'est une femme courageuse ou bien une femme yani, faible de cœur. Et comme ça, si je sens maintenant que cette femme a vraiment besoin de moi, c'est son premier accouchement. Premier, c'est toujours difficile, etc. Si je sens que vraiment cette femme a besoin de moi et que si je m'éloigne d'elle, ça peut être grave pour elle, donc je remets inshallah ta'ala le hajj pour l'année prochaine. Et Allah ta'ala sait que ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu y aller, mais parce que ma femme a vraiment besoin de moi et que c'est difficile de la laisser seule. Mais si, comme j'ai dit, si elle n'a vraiment pas besoin de moi et que il y a par exemple ma mère, elle est chez ma mère, ou bien je l'emmène chez sa mère à elle et je sais qu'il y a son père ou son frère qui va l'emmener à l'hôpital. Et comme ça, je ne laisse pas passer l'occasion du hajj, car il est possible que l'occasion ne revienne pas. Il est possible que l'occasion ne revienne pas, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites vite pour le hajj ». Il a dit « Il se peut que vous ayez des quoi ? Des entraves après ». Donc je dis, je répète, cela dépend de lui. Je lui donne conseil que s'il sait que en la laissant chez sa mère, qu'elle prendra vraiment soin d'elle et qu'il y a la personne qui va l'emmener à l'hôpital et comme ça, et que ce n'est pas yani, vraiment grave, il ne laisse pas le hajj passer. Mais si cette femme n'a que lui et il n'a pas où la laisser, et s'il la laisse seule, c'est vraiment des problèmes. Dans ce cas, Allah Ta'ala est pardonneur. Naam. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Tafadhal prochain, inshallah. Salam alaikum. Une femme a avorté à moins de 40 jours de grossesse. Pour faire taouba, doit-elle jeûner 2 mois consécutifs? Comment fait-elle pour compter puisqu'elle aura ses menstrues? Jazakum Allah khairan. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Celle qui a avorté à moins de 40 jours, n'a pas 2 mois à jeûner. Elle doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner et d'être sincère dans son repentir. Mais elle n'a pas 2 mois à jeûner. Elle doit quoi? Faire le repentir sincère et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner et qu'elle ne refera pas cela une autre fois, incha'Allah ta'ala. Tafadhal le suivant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un livre, Les miracles du Coran de Ahou Nahya, j'ai lu un passage qui m'a intrigué. L'auteur cite un verset du Coran, c'est Dieu qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent et que Dieu a embrassé toutes choses de son savoir. Coran, sourate 65, verset 12. L'auteur dit, entre parenthèses, en expliquant le verset, que l'atmosphère et l'atmosphère terrestre sont composées de 7 couches. Toutes les deux, et il cite, atmosphère, entre parenthèses, première couche, troposphère, deuxième, stratosphère, troisième, mésosphère, etc. Atmosphère terrestre, première couche, croûte océanique. Deuxième, croûte terrestre. Troisième, asthénosphère. Quatrième, manteau supérieur. En résumé, les 7 cieux sont le ciel que nous voyons et qui est composé de 7 couches, superposées tout comme les 7 terres. Pouvez-vous m'éclaircir concernant le verset et le sens que l'auteur donne à ce verset? puis, que pensez-vous de ce hadith de l'imam Ali? Certes, Allah a créé le trône comme manifestation de sa puissance et ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Tayyib, on va commencer par quoi? On va commencer par dire que, naam, vous savez qu'Ahl Sunnah ou Jama'a disent qu'il y a sept cieux. Et que les sept cieux, chaque ciel des sept cieux a une porte. Ensuite, on rentre dans, on va aller au troisième ciel, et comme ça, il y a sept cieux avec sept portes. Peut-être que vous vous souviendrez de cela le jour où vous mourrez. Le jour où vous mourrez et que les anges prendront votre âme et arriveront au premier ciel, ils vont frapper et l'ange gardien du premier ciel va dire qui? On va lui dire c'est nous sommes les anges avec l'âme de X et ils vont citer ton nom avec ton plus beau nom et comme ça. Et Inch'Allah Ta'ala, l'ange va ouvrir. On va monter comme ça au deuxième ciel, troisième ciel. Je ne sais pas. Peut-être que là-bas, vous vous souviendrez. Vous allez dire ça une fois dans le pastoc, j'ai entendu ça. Mais je croyais que hein, c'était seulement des choses qui se disaient comme ça. Mais maintenant, vraiment, je suis entre les mains des anges et je suis en train de monter de ciel en ciel. Que Allah Azza wa Jal, yani, nous préserve et nous fasse mourir pieux et musulmans. Musulmans et pieux. Al-Muhim. Maintenant, si les savants ou bien les scientifiques ont appelé les couches comme ça avec des noms. Je ne sais pas ce qu'ils disaient ici, stratosphère, métosphère, je ne sais pas quoi. Al-Muhim, ce n'est pas yani, en contradiction avec la charia. Le fait d'appeler une couche avec son nom. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les couches qu'il vient de citer ici, ça fait seulement part du premier ciel. Car personne n'est rentré dans le deuxième ciel. Naam, c'est le ciel de la terre. Le deuxième ciel, sauf les anges. Et, naam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y est rentré. Naam, quand il a fait l'ascension. Donc, naam, tous les noms qu'il vient de citer, c'est par rapport au premier ciel. C'est pour ça que vous devez aussi savoir une chose très importante. C'est que toute la science, où elle peut monter, avec les fusées, et ils vont arriver, maintenant, ils sont posés sur la Lune, peut-être demain sur Mars, ensuite sur le Soleil, ensuite sur les étoiles, ensuite, tout cela c'est le premier ciel. Attention, il y a certains ignorants, les pauvres messakines, ils croient que ceux-là, ils sont montés chez Allah Azza wa Jal. Ils ont dit, ils ont tellement de science, là, les Américains, machallah, et d'où ils sont montés chez Allah Azza wa Jalla. D'où ils sont montés que ils tournent toujours dans le premier ciel. Le deuxième ciel, pour y accéder, il faut que la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Et qui va t'ouvrir? Est-ce que l'ange va ouvrir à quelqu'un de souillé? C'est impossible. Al-Muhim. Alors, en ce qui concerne les cieux, en ce qui concerne les terres, Allah Ta'ala a cité dans le Coran, il a dit, et cette terre. Maintenant, les savants ont aussi quoi? Ont aussi divergé en ce point. Certains ont dit ce sont des couches. C'est la même terre, mais elle a des couches. La première couche, elle s'appelle comme ça, la deuxième comme ça, la troisième comme ça. Et certains exégètes et certains savants ont dit quoi? Ils ont dit qu'il y a sept terres. Comme la terre sur laquelle nous sommes. Il y a une autre terre. Et chaque terre, avec quoi? Avec son soleil, ses étoiles, sa lune, ses montagnes, sa mer. Subhanallah al-Azim. Et qui a dit ça? Vous savez qui a dit ça? De ceux qui ont dit ça? Abdullah ibn Abbas, le grand compagnon, le grand exégète, auquel le messager d'Allah a dit, oh Allah, apprends-lui l'explication du Coran. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, Ibn Hajj al-Asqalani, dans Fath al-Bari, a cité avec un hadith hasan, un hadith bon, il a dit, Abdullah ibn Abbas a dit dans le verset où Allah Ta'ala a dit qu'il a créé cette terre, il a dit chaque terre avec quoi? Avec ses astres, avec son soleil. Il a dit avec ses cieux, ses montagnes, ses étoiles. Il a dit même avec ces personnages, ces personnes et ces messagers et comme ça. Ça, c'est la vie d'Abdullah ibn Abbas. Donc, quelle est la vie le plus, cette couche ou bien ce sont sept terres? Allah subhanahu wa ta'ala alam, mais Allah ta'ala a cité sept terres. D'ailleurs, en ce qui concerne ce qu'a dit Ali radiallahu ta'ala anhu, je ne crois pas que ce qu'il a dit ici existe dans un livre d'une façon authentique. Et je voudrais faire la remarque que on ne dit pas l'imam Ali, mais on dit Ali, Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu. Si on dit l'imam Ali, on doit dire aussi l'imam Abu Bakr, l'imam Omar, l'imam Uthman, l'imam Muawiya, et comme ça, l'imam Omar ibn Abdel Aziz, et comme ça. Tous étaient des imams. Mais ce sont les chiites gardes, et que vous sachiez que quand quelqu'un vous dit l'imam Ali. 92, c'est à votre tour, Inch'Allah. Je ne sais pas comment on m'a pris le micro. Ibn al-Qayyim, tu m'entends? Subhanallah al-Adim, je t'ai entendu parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Al-Muhim. Al-Muhim, je disais que... Naam. Et quand les gens disent que... Naam. Et quand les gens disent que... Allah Ta'ala n'a pas pris de le trône pour endroit, etc. Naam. S'il veut dire par là qu'il n'est pas au-dessus du trône, il se trompe. S'il veut dire par là, par Allah Ta'ala n'a pas d'endroit, ça veut dire qu'il n'est pas sur le trône, alors là, ils sont vraiment égarés. Naam. Et la aqida des salaf et du Coran et de la Sunna, c'est que Allah Ta'ala est au-dessus de son trône, établi au-dessus de son trône. Naam. Tfadl, inshallah, le prochain. Salam alaikum. Salam alaikum. Une sœur pose la question. Son mari joue énormément au jeu de hasard pour gagner de l'argent. Cet argent est ramené à la maison et est mélangé avec l'argent licite. Toute la famille mange de cet argent mélangé et nous ne pouvons donc pas savoir ce qu'il a ramené, si ce qu'il a ramené est licite ou illicite vu que c'est mélangé. Nous l'avons averti, mais il ne veut pas écouter. Donc ma question est de savoir si nous aussi, nous prenons les péchés de cet argent licite ou pas, vu que nous les mangeons. Car nous sommes tous dépendants de son argent. Barakallahu fikum cheikh. Wa tafaddal inshallah. Hassanallahu ilaykum. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La règle dit, vous m'entendez? Alhamdulillah. La règle dit, quand quelqu'un a de l'argent licite et de l'argent illicite, on peut manger chez lui, et s'il nous invite à manger, on va chez lui, et toujours on se met dans le cœur l'intention que on va manger de son argent qui est illicite. C'est comme ça la règle. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans le fatawa, dans Majmou' al-Fatawa, dit que si quelqu'un fait l'usure, la riba, et qu'il t'invite à manger, tu peux manger chez lui. Pourquoi? Parce que l'usure, c'est quoi? L'usure, c'est, tu as de l'argent licite, tu as 100 euros licites, et en les mettant à la banque, on t'a donné 10 euros. C'est les 10 euros qui sont pas licites, mais les 100 euros qui sont pas licites. Donc tu vas manger en disant dans ton cœur, je mange de son argent qui est licite, pas de l'autre. C'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mangé plus d'une fois chez les juifs. D'ailleurs, il est même mort empoisonné chez Zaynab bint al-Harith, qui l'a empoisonné, une juive. Il a mangé chez elle, il a été empoisonné, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la juive et les juifs font l'usure et font plus que cela, font la corruption. Allah Ta'ala, en parlant d'eux, a dit, « Akkaluna lis-suht ». Il a dit, ce sont des mangeurs de la rachwa et des corrupteurs. Et malgré cela, le messager d'Allah a mangé chez eux et sallallahu alayhi wa sallam a été empoisonné par une juive et alhamdoulilah, Allah Ta'ala l'a préservé. Et une fois, un juif l'a invité sallallahu alayhi wa sallam à manger du pain avec de la graisse. de la graisse. Autrefois, le pain de la graisse était, masha'Allah, il y avait peut-être pas mieux que cela, vu la pauvreté. Et il a mangé chez un juif le pain avec de la graisse, sallallahu alayhi wa sallam, alors que les juifs, leur argent, c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est la corruption, c'est le haram, c'est tout ce que vous voulez. Donc, je dis à cette soeur ou à cette famille, vous pouvez manger, inshallah ta'ala, vous pouvez manger en mettant dans l'intention deux choses. La première, on va manger de son argent qui est halal, car on ne sait pas où est le halal, où est le haram. Et deuxièmement, on est quoi? On est dans la darura. On est dans la nécessité, car c'est lui qui dépense de nous et c'est lui qui doit nous nourrir. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadla inshallah le suivant. Et vous n'arrêtez pas de lui faire les nasihats. Abu Mohammed wa Umu Mohammed, inshallah c'est à vous. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, ahsan Allahu ilaykum. Je veux demander sur le bébé, entre parenthèses le fœtus, fermez la parenthèse, qui est mort dans une fausse couche après avoir eu 4 mois. Entre parenthèses, il est né vivant, fermez la parenthèse. Est-ce qu'il est au paradis, biiznillahi azzawajal? Quel est le jugement? S'il était enterré, rahimahullah, dans un pays de Kouf, et est-ce qu'on doit lui faire la aqiqa? Wa jazakumullahu khayran, wa jazakumullahu anna khayra al-jaza. Tafadhal, inshallah, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatouh. Naam. Pour ce bébé, rahimahullahu ta'ala, qui est mort, naam, après être né vivant, il sera, inshallahu ta'ala, au paradis. Même si c'est un bébé de kofar. Je dis bien, même si c'est un bébé de chrétien et de juif, et d'athée. L'autre, le deuxième hadith est dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Awladul mushrikina khadamu ahli al-Jannah. Le messager d'Allah a dit les enfants des polythéistes, des mushrikines seront les, je sais pas comment on dit ça, les serviteurs, si ça s'appelle comme ça, yani des croyants quand ils seront au paradis. Les croyants, quand ces enfants sont les enfants des qui? Des mouchikines et des kofars qui sont morts avant la puberté. Naam. Les premièrement. Deuxièmement, s'il a été enterré dans un pays de Kouf, naam, et que il n'y avait que cette solution, ce n'est pas grave, inshallah ta'ala. Car la terre, c'est d'abord la terre d'Allah Azzawajal. Que ça soit à Paris ou que ça soit à Alger. Tout appartient à Allah Azzawajal. De préférence, bien sûr, il doit être enterré, pardon, dans un pays musulman. Mais s'il a été enterré là-bas, naam, alhamdulillah ala kulli hal. En ce qui concerne la aqiqa, naam, la aqiqa, pour une personne qui a de l'argent, même si l'enfant est mort, elle fait la aqiqa. Si c'est un garçon, elle égorge deux moutons, si elle ne peut pas, un seul mouton. Si c'est une fille, c'est toujours un mouton. Mais c'est toujours, comme j'ai dit, ce n'est pas obligatoire. C'est une sunna recommandée. Sunna muakkada. Wallahu azza wa jal a'lam. Tafadhal. Car il y a certains qui s'étonnent. Ils disent, subhanallah al-azim, même quelqu'un qui meurt, on fait sa aqiqa. Naam. Le fait qu'il ait vu le jour un seul jour, classe, il est maintenant, il dépend d'une aqiqa. Si c'est un garçon, deux moutons, ou bien un seul. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a quoi? A fait pour le Hassan ou le Hussein chacun un seul mouton. Mais la vraie sunna pour quelqu'un qui a de l'argent, c'est deux moutons pour l'homme et un mouton pour la femme. Tfadlal. Donc c'est Mohamed ibn Idris numéro 1 qui vous demande, cheikh, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh, puis-je vous avoir en PV inshallah après le cours? Donc tafadhal inshallah, barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Naam. Je dis à Mohamed qui? Mohamed ibn Idris. Naam. Si c'est possible, inshallah ta'ala, on laisse pour mercredi. Mercredi, inshallah ta'ala, on a un concours. Un concours, les frères contre les sœurs, inshallah ta'ala. Naam. Et, inshallah ta'ala, quand on termine, on passera directement au PV. Bi'idhnillahi azza wa jal. Pourvu que tu me rappelles, inshallah ta'ala. نعم اتفضل ان شاء الله encore un autre. Oum Aïssa 95. Oum Aïssa 95, Inch'Allah, c'est à vous. Tu vas envoyer sur la room ou un admin. Il faut couper la question, Inch'Allah. Elle est sûrement très très longue. On va couper en deux, trois fois. Tayyib. Oum Adam 9582, c'est à vous, Inch'Allah. Mettez un, Inch'Allah, quand vous avez fini votre question. Salam alaikum Sheikh. J'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. J'aimerais savoir s'il est possible d'avoir le pseudo de votre femme et de vous poser une question en PV. Barakallahu fikum ya Sheikh. Tafaddal inshallah. Tafaddal inshallah ta'ala le suivant, tafaddal. Tayyib. Donc c'est Oum Aïssa 95. Vous mettez un inshallah quand vous avez fini. Salam alaikum Sheikh. Un frère qui veut choisir une deuxième épouse, doit-il prévenir sa première épouse avant la muqabala ou après la muqabala? Barakallahu fikum Cheikh, tafaddal inshallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Oum Aïssa, est-ce que tu m'entends? Et j'espère que ma réponse ne va pas te faire mal. Est-ce que tu entends? Écrit numéro 1. Ni inshallah ta'ala qu'elle fasse mal aux sœurs. Naam. Car c'est quoi? C'est la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, un homme n'est pas obligé d'avertir sa femme quand il veut se marier. En islam, quand il veut la deuxième, la troisième, la quatrième, en islam, il n'est pas obligé même pas d'avertir sa femme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de son droit de dire j'accepte ou j'accepte pas. Mais c'est à elle, le jour de la muqabala, si elle se sait, elle se connaît, qu'elle n'est pas polygame et qu'elle n'accepte pas, naam, c'est à elle alors, naam, s'il veut se marier, il se marie, c'est tout. Naam, Allah Ta'ala lui a donné la permission. Maintenant, en se mariant, va-t-il être juste ou injuste? Va-t-il vraiment subvenir aux responsabilités des années de le faire entrer dans des tunnels desquels il ne va pas sortir? Mais ça, c'est entre lui et bien sûr sa responsabilité. Donc voilà Oum Aïssa pour la réponse, Inch'Allah Ta'ala, j'espère qu'elle a été claire. Naam, un homme quand il veut se marier, naam, sa femme n'a rien à voir avec cette chose. Il va louer une maison, une autre maison, et il va se marier. Maintenant, s'il veut lui apprendre la chose par respect, par courtoisie, par amour à elle, parce qu'il ne veut pas la blesser, parce que ceci, tout cela bien sûr c'est mieux. Tout cela c'est mieux. Mais de faire de cela une condition, non. De faire une condition que tu ne dois pas te marier sans mon avis ou là, sans que tu m'avertisses, non. Il n'y a pas ça en islam. Par contre, l'islam a donné à la femme de dire, par exemple, dans la muqabala, que dans mes conditions, c'est de ne pas yani, avoir une co-épouse. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadla inshallah ta'ala. Le suivant. Salam alaykoum, Cheikh. Mon père ne prie pas, insulte souvent Allah Azza wa Jal et se moque de la religion. Ça devient très dur de supporter cela chez moi et ma mère n'en peut plus. Quel comportement dois-je adopter envers lui? Barakallahu fikum Cheikh, wa tafaddal inshallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, naam, quelqu'un de pareil, il n'est pas permis à la femme de rester avec lui. Parce qu'en insultant Allah Azza wa Jal, il est devenu kafir. En devenant kafir, il n'a plus le droit de toucher la musulmane. Vous comprenez? En devenant kafir, en insultant Allah Azza wa Jal, en devenant kafir, il n'a plus le droit d'avoir quoi? D'avoir les rapports avec sa femme qui est musulmane. Car une musulmane, il lui est interdit d'être mariée avec un kafir. C'est pour ça que, normalement, cette femme qui est ta mère, naam, doit demander secours à sa famille, à elle, son père à elle, ou bien ses frères, ses enfants, etc., pour faire une assise avec ce maudit père, et lui faire la nasiha, de faire le repentir, ou bien de faire séparer sa femme de lui. Naam, de faire le repentir, ou bien on lui dit, on va séparer notre mère de toi. Naam, et, Inch'Allah Ta'ala, ou bien elle va vivre avec nous, ou bien on va la marier avec quelqu'un de pieux, Mach'Allah, et toi tu vas vivre tout seul comme un chien. Toi tu vas vivre tout seul comme un chien avec tes insultes jusqu'à ce que tu meurs et tu ailles en enfer si tu fais pas la tawba. Naam. Wallah azza wa jalla wa alim. Tfadlal encore un autre. Naam, c'est Abu Umbilal. Et Cheikh, Inch'Allah, si vous avez du temps après le dars, je voudrais vous parler d'une chose, c'est concernant un message pour c'est Abu Diostre qui le transmet, Inch'Allah. Alors que l'on fait quoi? Abu Umbilal. Salam alaykum, Cheikh. Allah yjazik bi khayr. À la mosquée près de la maison, prie le Isha à 23h15, soit 1h15 après Salat al-Maghrib. Est-ce que je dois prier avec eux ou faire Salat chez moi, car le ciel me semble clair? Jazakumullah khayran. Tafaddal inshallah, barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. En fait, il faut dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dire, yani le clair, pardon, le ciel. Le ciel me semble clair ou là ne me semble pas clair. Pourquoi? Parce que pour connaître cette chose, il faut être pas dans une ville, mais dans un endroit désertique, par exemple, ou là, au bord de la mer. Car dans la ville, il y a beaucoup de lampes, il y a beaucoup de projecteurs, il y a beaucoup de je ne sais pas comment ça s'appelle, hadou, naam. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire vraiment est-ce qu'il fait clair ou là il ne fait pas. Tellement, yani, les faisceaux lumineux, des voitures, des lampes, des lampadaires, des poteaux, des ceci, des cela. Naam. C'est pour ça que c'est difficile de dire que yani ne fait pas clair. Naam. Mais je sais que à peu près après Salat al-Maghrib, naam, de 1h15, 1h30, c'est à peu près la Isha. Après Salat al-Maghrib, ça devient tout noir, bi-idhnillahi azza wa jal. Naam. Ensuite, il y a autre chose. Si les gens 15, naam. Mais avance 23h. La salat est à 23h45. Mais on a avancé 23h15. Naam. Si ce sont des gens confiants, si ce sont des gens de confiance, tu leur fais confiance, Inch'Allah ta'ala, et ce seront eux qui auront des péchés demain devant Allah ta'ala. Si ce sont des gens de confiance, naam, connus pour leur confiance et leur fiabilité, ce sont des gens intègres. Tu leur fais confiance et ce sont eux qui auront des péchés demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais maintenant il y a une deuxième mosquée, naam, pas très loin, qui fait la prière à l'heure, à 23h45, va dans la deuxième mosquée pour enlever les doutes. Wallahu ta'ala alam. Abu Ahmed, Inch'Allah, si tu veux poser ta question, d'accord. Salam alaykum, Cheikh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: nous les messagers, il nous a été ordonné de prier en posant notre main droite sur la gauche. Authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, peut-on utiliser ce hadith comme preuve sur le fait de mettre sa main droite sur sa gauche après le rukwa? Barakallahu fikum. Tafadhal Cheikh, barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On ne peut pas, naam, on ne peut pas se baser sur ce hadith, naam, pour tirer le jugement que on doit mettre dite. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer parce que pour l'expliquer, je dois parler en arabe. Je dois parler en arabe et je dois rentrer dans Usul Fiqh, qui est très compliqué. Mais je suis obligé, il n'y a pas d'autre solution. Je dis, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, hadith hada, naam. Lamma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, naam, nahnu معشر الأنبياء أمرنا بوضع اليمين على الشمال على شمائلنا في الصلاة نعم لابد أن يعرف أن هذا الحديث مطلق وليس عاما نعم وليس عاما الحديث مطلق والمطلق كما تقرر في الأصول أنه يعني إذا عمل بصورة من صوره نعم إذا عمل بصورة من صوره فإنه يخرج عن إطلاقه كيسي. Ils ont dit que, alhamdoulilah, donc, le messager d'Allah voulait dire que c'était avant de faire le recours. C'était avant de faire le recours et n'est pas général le hadith. Mausham, n'est pas général. Naam. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que, dans un autre hadith, il a dit, attendez, je cherche le hadith, il a dit, Omerna, en, salat, Enfin, il y a un autre hadith qui montre quoi? Qui montre, qui est très clair, je ne l'ai pas maintenant dans ma tête, qui montre que ça, naam, ça concerne la position debout lors de la récitation. Jazakallahu khairan. Naam, et non pas après, et non pas après le ruku'. C'est pour ça que c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Et on a demandé à Ibn Baz rahimahullah, est-ce qu'il y a quelqu'un avant vous qui a dit cela? Et si vous allez bien chercher chez les sahabas, vous allez trouver que aucun des compagnons qui a rapporté la salat du messager d'Allah n'a rapporté qu'il mettait la main droite sur la main gauche après le ruku'. Alors que vous savez que les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ont rapporté la façon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans les toilettes. Comment qu'il rentrait dans les toilettes? Comment qu'il s'asseyait? Avec quoi il faisait, yani il se nettoyait? Est-ce que c'était avec la main droite? Est-ce qu'avec la main gauche? Est-ce qu'il urinait en face de la Qibla ou il n'urinait pas ou lui donnait son dos? Et si maintenant dans les toilettes ils n'ont rien laissé, comment se fait-il que dans la salat tout le monde a rapporté sa salat et aucun d'eux n'a noté que le messager d'Allah mettait sa main droite sur la gauche après le ruku', si ça existait? C'est impossible, comme a dit Cheikh Al-Albani, il a dit c'est impossible qu'une chose pareille existe et que tous les compagnons se mettent d'accord pour ne pas la rapporter. Il a dit c'est impossible. Non, je vous ai dit que ils ont rapporté ce qu'ils faisaient dans les toilettes et comment qu'ils faisaient avec ces femmes. Comment se fait-il qu'une chose pareille dont tous les musulmans ont besoin et ils ne l'ont pas rapporté, la salat? Allahu Akbar. نعم والله سبحانه وتعالى أعلم تفضل إن شاء الله طيب متأ إن شاء الله كم زافيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ أحسن الله إليكم. Je pose la question pour une sœur convertie qui souhaiterait être éclairée inshallah. Peut-on, en tant que musulman, recevoir un héritage de la famille proche s'ils ne sont pas musulmans, voire athées ou chrétiens? Et qu'en est-il si le père mécréant a donné une grosse somme d'argent à sa fille avant sa mort, entre parenthèses, subhanallah. Excusez-moi, Marcel en PV. S'ils ne sont pas musulmans, voire athées ou chrétiens, et qu'en est-il si le père mécréant a donné une grosse somme d'argent à sa fille avant sa mort, entre parenthèses, comme don, pas comme héritage, ferme la parenthèse, et est-il permis à sa fille de la prendre ou bien ça rentre aussi dans l'héritage? Jazakumullah khairan, Cheikh wa hafizakumullah. Si vous voulez que je répète, inshallah, il n'y a pas de souci. Tafadda, inshallah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fi sawt, alhamdulillah. Tayyib, Abdullah 15, istattuka, fa inna amraka la yakhfa alayya, fa inna amraka la yakhfa alayya. وحضر نفسك إن شاء الله تعالى لماذا؟ حضر نفسك لرد السلام علينا في على الميكرو. طيب je disais que quand une personne est reconvertie, نعم, elle n'a pas le droit d'hériter de son père ou de sa mère si son père ou sa mère meurt comme kofar, bien sûr. Mais si par exemple, je donne un exemple, imaginez que cette reconvertie, inshallah ta'ala, non. Supposons que cette reconvertie, inshallah ta'ala, s'appelle Rachida maintenant. Cette reconvertie s'appelle Rachida. Et que, par exemple, elle a une sœur ou un frère qui s'appelle, par exemple, Jacques ou Jacqueline. Et maintenant, non, son père est mort, par exemple, à elle, son père est mort. Et bien sûr, elle, Rachida, ne peut pas hériter son père, qui est mort kafir. Et Jacques ou bien Jacqueline ont hérité. Ensuite, après l'héritage, après avoir hérité, Jacques ou bien Jacqueline veut donner à Rachida. Ici, ça devient un don, ce n'est plus un héritage. Car Rachida, ce n'est pas elle qui a hérité. Mais c'est Jacques et Jacqueline qui ont hérité, et elle a reçu cet héritage par intermédiaire. Ce n'est pas un héritage de Berira, qui à laquelle on a donné de la viande, de la zakat, et elle a donné cette viande au messager d'Allah. Et le messager d'Allah, on lui a dit, vous avez pris la viande de la zakat, il a dit non. pour elle. C'est la zakat, pour moi, c'est un don. Car ce n'est pas moi qui ai pris cette zakat. Tayyib, Naam, si son père lui donne, ou bien elle demande à son père, elle lui dit, mon père, est-ce que tu peux m'écrire quelque chose avant de mourir? Naam. Et bien sûr, comme il va écrire à celle-là, il doit aussi écrire aux autres pour être juste. Naam. Donc s'il lui donne quelque chose, une somme d'argent, ou bien il lui écrit un morceau de comment ça s'appelle ça, un morceau de terre, ou là comment on appelle ça, hein, il a une villa, ou là un jardin, ou là une ferme, ou là, il lui l'a écrit, de son vivant, c'est permis, alhamdoulilah, ce n'est pas de l'héritage. Un morceau de terre, naam, c'est permis, car ce n'est pas de l'héritage. Naam. Et cette Rachida, si on lui écrit quelque chose, naam, Inch'Allah ta'ala qu'elle ne m'oublie pas. Elle dit à quelqu'un, Inch'Allah ta'ala, qui a Blida, un pauvre miskin, je vais, Inch'Allah ta'ala, lui écrire à lui aussi quelque chose. Hein? N'oubliez pas, Inch'Allah. Atfadlal. Afwan, j'avais oublié Abdullah 15, un de nos invités, un de mes meilleurs amis, Inch'Allah ta'ala, un de mes meilleurs, des meilleurs frères dans le Paltok, Ahsabou Kadalik, Wallah Hasibou, Wallah Zuki Allah Ahadan, l'un des grands ennemis des Khawarij et des Zigari et des Takfirin et des Habesh et des Shiites. Donc, si c'est leurs ennemis, c'est que celui-là, c'est vraiment notre ennemi. Naam. Puisque celui-là, c'est leurs ennemis, et l'ennemi de mon ennemi, c'est qui? L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc, je donne, Inch'Allah ta'ala, le micro à l'ennemi de mes ennemis pour qu'il nous passe le salam et nous dise comment va la da'wa à Londres, Inch'Allah ta'ala. Tfadla le cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سأل الله العظيم أن يجعلني خير مما تظنون وأن يغفر لي فيما لا تعلمون وهذا من طيبة نفسك يا شيخ الله يجزيك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ أنا أريد أن أوضح شيء في أمر يعني الميراث عامة في ديار الكفر ما فيه ميراث يا شيخنا Dans les pays de Kufr, généralement, il n'y a pas de mirat. Il y a ce qu'on appelle l'wasiya. Le père, il doit écrire. Parce que si, par exemple, ici en Angleterre, si une personne meurt et elle laisse, ce qu'elle possède, le gouvernement va prendre presque tout. C'est les lois de ce pays, je ne sais pas comment ça se passe en France. Donc généralement c'est pour ça ce qu'on appelle la wasiya. Et naam, cher, jusqu'à 40%, jusqu'à 40%, hein, 40%, ça même s'il te laisse quelque chose, par exemple s'il te laisse une maison, il te dit je te laisse cette maison, une fois il est mort, le gouvernement va prendre 40%, comme il prend 40%, pour ceux qui ont, par exemple, des compagnies, etc. C'est ça la taxe chez nous. Je sais pas comment ça se passe en France, mais généralement, c'est presque la même chose. Ce qui varie, c'est ce qu'on appelle la taxe, la VAT, la VIT, comme on l'appelle. Mais le HAS, généralement, c'est l'OACIA. Et l'OACIA, c'est autre chose. Un père qui écrit pour sa fille ou son... C'est comme en France, hein. Un an. نعم حيا الله شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خير وحفظ الله الجميع كالله فو بريزيرف مي فرير سور الحمد لله خير شيخنا الدعوه يسي نحمد الله ونشكره الله سبحانه وتعالى سيجور نوزا فاسيليتي الحمد لله وني دون اون بيتيت موسكي سلفيه وني لي ريسبونسابل بفضل الله عز وجل Alhamdulillah, yani on fait ce qu'on veut, entre parenthèses, yani dans les limites de l'islam. Alhamdulillah, c'est notre mosquée, c'est notre imam, c'est notre musalla et on fait, alhamdulillah, ce qu'on veut. Et ça, c'est, alhamdulillah, c'est un khair kabir. Je sais qu'il y a des frères qui font la salat dans des mosquées, où il trouve toujours des problèmes avec l'imam, ou bien avec les gens qui viennent à la mosquée, ou bien avec les gens qui donnent les cours, ou bien les dorosh dans cette mosquée. Nous, alhamdoulilah, cheikhana. Dans ce cas, nahmadullah. Et je prends cette occasion pour dire aux frères et sœurs qui sont dans les pays du Kufr et qui ne peuvent pas voyager, et qui ne peuvent pas voyager dans les pays musulmans pour une raison ou une autre, je dis au moins essayez, comment dirais-je en arabe, barriru wujudakum bid-da'wati ila Allah. Essayez de trouver des excuses pour vous, pour rester en faisant la da'wa. En faisant la da'wa. C'est-à-dire, si une personne reste dans un pays de kufr pour une da'wa, dans ce cas, alhamdoulilah, au point où Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah disait que celui qui fait la da'wa dans un pays de kufr est mieux que celui qui fait la da'wa dans un pays de musulmans. Hein, parce que, avec l'aide d'Allah, il va sauver des gens, min jahannam, de l'enfer, au jannah. Des gens qui sont à l'origine kuffar, vers l'islam. Mais celui qui fait le da'wa dans les pays de musulmans, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, bien sûr, alhamdoulilah, c'est toujours bien. Mais il varie, parce qu'il est toujours avec les musulmans. Donc, essayez, mes frères et sœurs, de faire ce genre de choses. Et vous n'êtes pas obligé d'être un talib, un étudiant, ou bien un shir pour faire ça. Il y a des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire en faisant des photocopies sur des petits livres de da'wa, hein, pour les kuffars ou bien pour les musulmans. Et en prenant chaque mois un jour pour les mettre dans les boîtes aux lettres des gens. Mais bien sûr, sans écrire les versets, etc. Juste pour donner une introduction à l'islam. Vous pouvez trouver ça dans les sites salafis. Et la même chose, par exemple, en faisant des cassettes, hein, et en distribuant des cassettes, tout ça rentre, inshallah, dans le da'wah. Au moins, subhanallah, une personne qui reste dans un pays de kufr, il peut, je ne dis pas trouver des excuses, mais il barre le wujud dans ces pays en faisant la da'wah à l'islam. En faisant la da'wah à l'islam. Barakallah. Et soyez, barakallah fikum, sadiqin. Soyez sadiqin. Soyez véridique, barakallah. Soyez véridique avec vous-même, comme le prophète a dit, astaqallah et astaqak. Parce que des fois les gens, c'est-à-dire, ils disent je veux la hijra, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas la hijra. Parce qu'ils ont peur. Ils disent, si je voyage au Maroc ou bien en Algérie, la vie c'est pas facile. J'aurai plus de chômage, j'ai pas de maison, etc. Ils pensent toujours à la dunya. Hein? Ils pensent toujours à la dunya. Donc, il n'est pas à 100% sûr, il n'est pas à 100% prêt. Et Juan, il faut, yani, enlever tout ce genre de croyance et ce genre de crainte qui est dans vos cœurs, qui concerne la dunya. Soyez sûr qu'Allah Azza wa Jalla a dit, ومن يتق الله يجعل له مخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم دي من ترك شيء لله عوضه خير. Celui qui délaisse une chose pour Allah عز وجل, Allah va lui donner mieux. Allah va lui donner mieux. Donc soyez sincère, soyez sincère et soyez véridique avec vous-même. Comme le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit, si vous êtes véridique avec Allah, Allah يصدقكم, il va être véridique avec vous, il va vous faciliter, inshallah. Et wallahi, les pays musulmans, wallahi alhamd, yani c'est pas si mal que ce que vous pensez ou bien ce que les médias ici ils nous montrent. Alhamdulillah, yani, les gens peuvent vivre, les gens peuvent manger et même travailler, inshallah. C'est un peu difficile, mais wallah, il y a des gens qui vivent au bled qui sont des fois mieux que ceux qui sont en France. Dans tous les domaines, même dans le domaine de l'argent. Pour vous dire la vérité. Et non, donc, Inch'Allah, il faut avoir du courage et il faut avoir l'iman avant tout. Et subhanallah, et pour ceux qui sont qui sont pas nés dans les pays de Kufr, hein, ceux qui sont les immigrés qui sont venus, moi je dis, subhanallah, comment on est venu dans les pays de Kufr avec rien? Et on a tout risqué. Comment on peut pas risquer en revenant chez nous? Il y a des gens qui disent, subhanallah, comment je veux rentrer au bled, hein, et j'ai pas d'appartement, ou bien j'ai d'appartement, j'ai pas de voiture, ou bien j'ai d'appartement, de voiture, mais j'ai pas de boulot. Il veut rentrer au bled comme Pharaon, ou là bien comme, je sais pas comment. Il veut être un riche pour qu'il rentre au bled. Hein, Ikhwan? Alors que lui, il est venu dans un pays étranger, avec rien. Il dormait dans les rues. Il s'est patienté. Mais pour revenir à son pays, dans un pays musulman, avec les gens qui aiment, avec sa famille, et il a, alhamdoulilah, de la rue, il a tout, il ne peut pas patienter. Moi je dis ça pourquoi, Ikhwan? Parce que je sais, il y a des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité de revenir au bled et se sont endormis. Moi je dis à ces gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront responsables au jour du Yom al-Qiyamah. Et en plus, ils font pas de la da'wah dans les pays de Kufr. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font ici. Il voyage au bled, il revient, il vient pour critiquer. Et au point où il fait peur aux gens pour que les gens yani, ne quittent pas le pays de Kufr. Non, il ne faut pas les croire. Wallahi, Khwan, je l'ai dit, Wallahi, il ne faut pas les croire. Bien sûr, il y a des problèmes partout. Il y a même des problèmes ici. Si, par exemple, quelqu'un, je vous donne un exemple, hein, si quelqu'un voit ce qui se passe en Angleterre, par exemple, hein, 700 morts, des jeunes, par des poignées de couteau, moins de 20 ans, chaque an, 700, chaque an. Les gens vont dire, ça c'est pas un pays européen. Chaque une minute, il y a une voiture qui se casse. Une minute, ici en Angleterre. Au point où les prisons, ils sont pleins archi-combles. Yani, subhanallah, yani, plus que ce qui se passe au bled comme une guerre civile. Mais si on prend tout ça, on dit ça aux gens qui sont bled, ils vont avoir peur, pour, subhanallah. Mais quand tu viens ici, tu ne vois pas. Vous voyez ce que je veux dire, Yahwan et Barakallah fikoum? Hein? La même chose. Et chacun donne l'expérience et l'exagère. Hein? Il ne faut pas prendre de tout le monde. Il faut prendre d'une personne qui est pieux, une personne qui craint Allah Azza wa Jalla, une personne qui veut l'akhira, pas une personne qui veut la dunya, pas une personne qui veut tout devant lui, pas une personne qui veut, sallallahu alayhi wa sallam, l'aïch, l'akha, ou le malkab al-sari, ou le manzil al-wasi. Vous voyez mes frères? Moi, c'est ça que je vais vous dire, je ne veux pas tarder, barakallah fik, Cheikhana Mohamed, barakallah fik, juste, tadkir ali, à moi-même, hein, et à mes frères qui sont dans les pays de Kufr. Wallah, il y a un conseil, yani, mes frères et sœurs, essayez, yani, ej'alou, hada tafkir, nisba a'inukum. Vous réveillez chaque jour en disant que, je veux faire le maximum pour sortir de ce pays. Il ne faut pas s'endormir, Erwan. Il ne faut pas s'endormir. Vous êtes déjà, peut-être vous n'êtes pas marié. Une fois que vous serez marié, vous aurez des gamins, Wallah, c'est encore plus difficile. Maintenant, si vous êtes déjà, peut-être c'est encore facile pour vous, Erwan. Mais une fois que vous avez une famille, c'est encore plus dur et plus difficile pour se déplacer, pour se rendre au bled et ainsi pour votre famille qui est dans un pays de Kufr. Hein, vous ne pouvez rien faire. Subhanallah. Vous aurez une fille, 14, 15 ans, elle sort, par exemple, et elle va à l'école, si c'est une école de Kufr, moi je dis que pourquoi vous prenez vos enfants à l'école de Kufr? Là, il y a juz, ikhwan. Harramou, ahl al-ilm. Harramou, c'est haram, ikhwan. C'est haram. Comment vous allez faire? Et ceux qui prennent leurs enfants dans les écoles de Koufar, leurs enfants vont revenir avec des idées de Koufar. Et même les enseignants vont dire, Si ton père te frappe, si on te fait et t'a fait ça, si on te fait, tu me le dis comme ça, les sociaux vont prendre des gosses et des gamins, des musulmans, comme ça se passe à l'Europe maintenant. Ça va là, on peut rien faire. Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je parle de mon expérience ici en Angleterre, mais je pense que c'est plus ou moins la même chose en France. Hein? C'est plus ou moins la même chose en France. Hein? Les jeunes qui sont dans les cités, les jeunes qui sont dans les cités, hein? Hein? Les jeunes qui sont dans les cités, qui fument de la drogue, qui volent, etc. Ce sont des jeunes, ils sont des musulmans, non? D'une famille musulmane. Peut-être, ils sont vos frères et vos soeurs. Si ce n'est pas un frère direct, c'est un cousin. Ah, Juan? C'est quoi leur futur? C'est quoi leur futur? Alors, vous pensez à vous-même et vous pensez à vos enfants. Même si vous êtes multazim, il y a plus de risques que votre enfant, il peut être dans la débauche ou l'aïe de blé, plus que dans un pays de kofar, d'un pays musulman. Peut-être il dit, oh, il y a de fosques au bled. Je dis oui. Mais pas comme en France. Et vous arrivez de Choubouad, oh, ici, il y a des gens qui ont connu l'islam ici. Peut-être, mais ça ne veut rien dire. Mais on parle en général. On parle en général. Il dit au bled, il n'y a pas de justice. Ici, en France, il y a justice. Masha'Allah. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne voit pas avec un œil religieux. Il voit avec un œil de la dunya. Pour lui, être juste, s'il te donne le chômage, hein, s'il te laisse faire ce que tu veux, entre parenthèses, dans le contexte des lois. C'est ça, la justice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit la plus grande injustice, c'est le shirk. Ah, ikhwan, inna shirk la dhulmun azim. Il n'y a pas plus injuste que le shirk, comme Allah lui dit. Donc, les pays du kufr, même s'ils sont justes, ils sont les pays les plus injustes. Pour un musulman, pour un mouahid, pour un croyant. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Donc, ça dépend avec quel œil on voit les choses. Si l'œil de dunya, on reste dans les pays du kufr, on ne fait rien. Avec l'œil du Yom al-Qiyamah, comme le Cheikh Imam Yaman, Cheikh Mokhbar, rahimahullah, il y avait une question qui a été posée sur le Cheikh, sur le fait d'aller en Amérique. Il a dit l'Amérique, ce n'est pas le Jannah. L'Amérique, ce n'est pas le paradis. La France, ce n'est pas le paradis. La Grande-Bretagne, ce n'est pas le paradis. Wallah, ce n'est pas le paradis, Ikhwan. Wallah, ce n'est pas le paradis. Divorcer cette vie, Ikhwan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si nous, on ne donne pas notre jeunesse à Allah subhanahu wa ta'ala, si nous, on ne donne pas le meilleur âge à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la jeunesse dans l'ibada. Après, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Une fois on grandit, peut-être on n'aura pas la chance de voir les quarantaines ou les cinquantaines. Et si on aura la chance, on pourra pas faire ce qu'on pouvait faire avant, on était jeune. Si je demande au Cheikh Chalabi, avant Bled, on faisait 10 kilomètres à pied pour écouter un dars. Il n'y avait pas des cassettes comme aujourd'hui. Le Cheikh le sait, ou bien des CD ou l'internet. Wallah, Yahwan, avec des claquettes, on faisait 10 kilomètres aller et 10 kilomètres retour. Il faisait chaud et on revient juste pour écouter un dars d'une demi-heure. Une demi-heure. Je ne peux pas le faire maintenant. Je ne peux pas le faire maintenant. C'est pour ça que quand tu es jeune, tu as cette capacité pour faire plus. Et si tu ne fais pas plus à ta jeunesse, c'est comme tu as donné les beaux et les plus beaux les plus beaux années au shaitan et tu laisses le reste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme au bled, tu lui dis, fais le hajj, il dit que non. Il dit que le hajj, une fois je touche les 50 ou bien les 60. C'est pour ça que le hajj, il y a toujours que les vieux. C'est comme les jeunes, ils sont ici pour éternité, ils ne vont pas mourir. C'est comme on a un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va pas mourir. Et malgré que ça, on voit des gens, subhanallah, des gens sportifs qui Allah subhanahu wa ta'ala a pris leur âme soudainement. Yani, tout le monde, jeune, vieux, ou comme le matin est dit, من شب على شيء شاب عليه. Si on grandit sur une chose, yani, on récoltera ce qu'on a mis, ikhwani barakallah. Ça ne va pas changer. C'est pour ça, Allah, le Nabi Sassoum dit, إذا أحب الله العبد, à sa fin de sa vie, إذا أحبه, Allah ne va pas changer une des, c'est les petits péchés. Et nous, on dit, hein, une parabole avec, on voit la musique, c'est rien. Hein, des frères qui, ou bien des sœurs qui ne mettent pas de hijab, c'est rien. Elle va se marier, elle va mettre hijab après. Un frère, je ne peux pas mettre là-bas après. Oh, je peux mettre là-bas parce que je travaille. Une sœur qui va à l'université, mixte, et la même chose pour un frère, hein, parce qu'il veut un diplôme. Un diplôme, il va te faire quoi aujourd'hui au Yom Kiyama? Moi, je ne suis pas contre les études. Mais les études qui sont contre l'islam, moi, je suis les contre. Barakallah avec moi, Ikhwan. Et personne ne me dit, oh, il n'y a rien, on ne peut pas. Non, il y a toujours quelque chose. Comme le Nabi Shasam dit, la yamut al-abd hatta yufa rizqa. Vous aurez tous votre risque. Même si tu te sauves de votre risque, le risque va courir avec toi, après toi. Moi, ce que je veux dire, Ikhwan, jazakum Allah khair, nasiha comme le Cheikh m'a dit, à moi-même et mes frères, de penser à Yom al-Qiyamah, de penser ce qu'on a yani, devant nous pour, barakallahu fikum, le jour du jugement. Et akhwan, jazakum Allah khair. Nous, on est à Creekwood, la petite mosquée, on est à Creekwood, pour ceux qui me demandent, on est à Creekwood, pas loin de Kilburn. Pour ceux qui veulent venir, alhamdulillah, qu'ils viennent, il y a des cercles, des halakats pour les sœurs dans une autre mosquée, mais nous, pour les frères, et même pour les enfants, il y a des cours du Coran, il y a des halakats en arabe, il y a des halakats en anglais, walillahi alhamd, et tout le monde est le bienvenu, barakallahu fikum. Tout le monde est le bienvenu pour ceux qui me demandent au privé. Moi, je demande aux frères et sœurs de penser. Et ce n'est pas de penser maintenant et l'oublier demain. Normalement, tant qu'on est dans un pied de kufr, chaque jour qu'on se réveille, il y a avec une peur. Imaginez-vous si Allah subhanahu wa ta'ala va prendre notre âme ici, nos âmes ici. Kaif law namut fi diyar al-kufr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ana bari. Le Nabi est innocent. Et c'est devant de nous qui sont dans le pays de Koufr. Je vous dis, pour ceux qui peuvent, alhamdulillah, qu'ils reviennent au bled. Celui qui ne peut pas, au moins, ils travaillent pour la da'wah d'Allah. Ce n'est pas au moins, c'est pour eux. C'est pour leur bien, mais de ne pas rester comme ça, croiser les bras, faire la da'wah, la'alla Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al ba'd al-usri yusr, wa yaj'al makhraj lana wa lakum, insha'Allah. Cheikh Chalabi, anta ma'ana, jazakallah khair. شيخ الشلبي أنت معي بارك الله فيك في صوت يا أخي ابن محمد طيب فين الشيخ فين الشيخ إني برا الله مستعان قالت ساسي كي كوم سا جو شوي لندن بارك الله فيكم كوم سا لندن إيشي كريك ليود كوم سا بارك الله فيكم سي لو نورد ويست يعني ويست لو نورد de l'Est de Londres. Barakallah. Pour ceux qui veulent. Le Cheikh est là. Il est où? Alhamdulillah. Tfadal Cheikh, jazakallah khair. Ana intahit, barakallah fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu al-azim, Rabbul 'arsh al-karim, bi asma'i al-husna wa sifati al-'ala an yusahhil lana wa lakum wa yaj'alana wa lakum makhrajan min hadhihi ad-diyar al-kafira wa yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu Allah wa yardah wa yakhtim lana wa lakum bi husnil khatima. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخانا عبد الله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذه النصيحة القيمة نعم على هذه النصيحة القيمة وجزاني حسناتك غدا بارك الله فيك نعم demandez à mon épouse une question en privé نعم je lui réponds à cette personne نعم pour lui dire que la question c'est, est-ce que c'est permis l'insémination? est-ce que l'insémination est permise en islam? C'est-à-dire qu'une femme qui n'accouche pas, une femme qui, par exemple, peut pas, ne peut pas, ne peut, c'est pas n'accouche pas, ne peut pas tomber enceinte, hein? Donc, le couple va chez le médecin et le médecin va retirer, hein, le liquide de l'homme et va, attendez, si c'est comme ça, il va le placer ou bien chez la femme. Non, je crois pas que c'est comme ça. Ils le mettent, ils vont le mettre dans une, comment ça s'appelle ça? Attendez, je réfléchis, comment ça s'appelle? L'éprouvette. Je crois que c'est ça. Wallah, dans une éprouvette, naam. Ensuite, non, je sais pas si c'est ça. Je ne sais pas maintenant si c'est ça. Je veux répondre à cette personne pour lui dire que, naam, pour lui dire que, Cheikh Ibn Uthaymeen, la yahmou, Cheikh Ibn Uthaymeen la yahmou a dit, quand on lui a posé cette question, naam, il a dit, moi, personnellement, je ne peux répondre à cette question que s'il y a quatre conditions, quatre ou trois. Il a dit, premièrement, je dois connaître la femme. Deuxièmement, je dois connaître son mari, être le médecin. Quatrièmement, je dois connaître la façon dont on lui a retiré son eau. Vous voyez ce que je veux dire par son eau? Non. Il a dit pourquoi? En fait, qui est ce médecin par exemple qui va faire cette chose? Si c'est un médecin par exemple qui est kafir ou qui n'a pas peur d'Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mettre une autre eau, un autre liquide, non, dans les parties de la femme. Et il dit que c'est ça le liquide que votre mari m'a donné. Il peut pas ou là il peut? Il peut. Un kafir, est-ce qu'il a peur d'Allah? Un kafir n'a pas peur d'Allah, il peut faire ça facilement. Il peut même, astaghfirullah, mettre son eau à lui, son liquide à lui, il le met. Et il dit c'est le liquide de votre mari. Naam, c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, je ne peux pas dire que ça. Il a dit en général, yani ça peut se faire. Mais il a dit, il faut vraiment que ça remplisse des conditions. Entre autres, que je connaisse que l'homme, c'est un homme yani de confiance, sa femme c'est aussi une femme de confiance, le médecin je dois bien le connaître, et lorsque on lui demande de soutirer, de nous donner le liquide à l'homme, à l'époux, il a dit, il ne faut pas qu'il le donne d'une façon illicite. Une façon illicite, par exemple, il va faire des trucs avec sa main, ensuite il va faire sortir le liquide. Il a dit, ça c'est illicite. Il faut qu'il fasse d'une façon qui soit permise dans l'islam. Ensuite, je vais vous dire, il a dit Allah yahmou, je vais vous dire si ça se fait ou ça se fait pas. Donc voilà la réponse de Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yahmou. Et si Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yahmou, il a pris toutes ces conditions et il a dit je ne réponds pas que si je connais les personnes en personne, comment se fait-il que moi, yani, je puisse répondre comme ça facilement? Sûrement que non. Sûrement que non. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous après-demain pour le concours, inshallah ta'ala. D'ici là, je vous laisse dans Hifdhullah Azza wa Jal et dans, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, naam, qu'il nous préserve, naam, et qu'il nous guide encore plus, qu'il nous apprenne encore plus, et qu'il nous donne de la sincérité, de la piété, naam, et qu'il nous agrandisse son amour en lui, en son messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et en les salaf salih, et que toute personne qui est avec nous, frères et sœurs, naam, qu'elle pardonne à ses frères et ses sœurs, naam, et que, yani, elle fasse de cela une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre dans quoi? Dans, yani, le fait de vouloir la rétribution d'Allah azza wa jal demain quand on va le rencontrer. Naam, et jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, salamu alaykum, hayyakumullah, à mercredi, inshallah ta'ala.